Question, frère. Rassure toi que les gens qui sont là-bas puissent écouter. S'il te plaît, frère, c'est juste pour que tu insistes sur la question. Oui. Que je reste toujours un peu. Comme vous voulez poser cette carte de l'heure. On n'a pas eu le temps de. Ah, dans ce cas, puisque en ce temps-là, il y avait des gens qui n'avaient pas été ici. Répose donc la question. Vraiment, si tu dis vrai, j'ai cette question, je n'ai pas posé à quelqu'un d'autre. C'est ici que je commence à poser cette question. Et je suis ici que je pose la question. Amen. Il pose ta question, frère. Donc, je vais charger un peu le temps de la question. Vous allez l'entendre là-bas. Vous allez l'entendre là-bas. Parle un peu, frère. Comme on dit, nous disons que Dieu, tout ce que nous faisons, en fait, tout ce que nous faisons, bien tout ce qui nous arrive, a été déjà établi par Dieu. Oui. Bon, je veux savoir si cela est valable seulement pour les enfants de Dieu. Voilà. Tu vois, maintenant, tu poses maintenant bien la question. Tu as bien posé cette question. C'est pas comme ça que tu posais la question la dernière fois. C'est pour ça que tu as été embrouillé comme ça. Si tu posais comme ça, de cette façon, si je t'aurais répondu de façon claire. Si tu posais une question embrouillée, je réponds embrouillement. Si tu posais clairement, je réponds clairement. Et là, maintenant, c'est clair. D'accord? Ok, maintenant. Donc la question c'est, nous disons que Dieu a établi toutes choses en avance. Oui. Est-ce que c'est vrai seulement pour les enfants de Dieu? On peut répondre là maintenant, n'est-ce pas? Voilà. Ça va? Autre question? Ok. Ok. Maintenant, soit vous m'aimez, soit vous ne m'aimez pas. Je n'ai pas de problème, mais je dois parler. Au commencement du monde, il y a eu deux semences. C'est pour ça que si on monte, on descend, on va seulement revenir sur ce sujet-ci. Toute sa question est automatiquement liée là-bas. Écoutez très bien, pourquoi vous ne me ratez pas cela? Nous voici ici les êtres humains, pas vrai? Dieu nous a tous créés, pas vrai? Mais nous ne sommes pas tous de lui. Le frère a son visage changé directement. C'est là le problème. C'est-à-dire que quoi? Dieu n'a pas créé une personne que je vais t'envoyer en enfer. Et créer une autre personne que je ne t'envoie pas en enfer. C'est ça le problème. Écoutez très bien. Lorsqu'on dit que tout est préparé d'avance, ça se pose que, écoutez très bien, j'aimerais bien faire que ça soit bien comprise là rapidement. Au jardin d'Éden, Satan est venu au travers du serpent, a couché avec Ève. Ève est devenue enceinte de quelqu'un qu'on appelle Caïn. Il continue de dire ça littéralement comme ça, tu comprends maintenant? Ok. Adam et sa femme se sont connus. Ève est enceinte de deux enfants, l'un du père qui est le serpent. Souvent, quand il va parler de serpent, ne pense pas à ce monsieur qui fait comme ça. Le serpent était debout, marchait comme moi. Il était même plus frais que moi. Vous savez, n'est-ce pas? Ok. Ce serpent, donc, là, a eu des rapports avant que Ève n'ait des rapports avec son mari. Et pendant qu'il faisait le rapport, Adam était à côté, vraiment, il voyait comme ça. Ne bouge pas ce matin comme ça, c'est compliqué parce que sinon, un tas de gens dit que sont des blasphèmes. Ou bien tu allais quelque part, on va dire que ne même pas les pieds là-bas. Mais si tu ne mets pas les pieds, mais il faut qu'il te dise parce qu'il faut qu'il réponde à ta question. Donc, il faut que je parte au commencement pour te montrer ça. D'accord? Ok, maintenant, regarde bien. Observez bien. Après, il va commencer à citer. Après, il va établir cela. Si c'est trop vite, dites-moi que je me calme, d'accord? Parce que ça c'est l'un des domaines même. Alors, je me calme. Donc, c'est dans ton cœur, comme ça, tu ne peux pas me dire, fais constant. Donc, c'est dans ton cœur, tu ne peux pas me dire, donc. Regardez bien, il faut que j'aille doucement, d'accord? Vous ne pouvez pas regarder les autres choses en évangile. Sinon, vous allez seulement avoir des problèmes. Vous dites... Observez bien, je vous montre pour que vous voyez là où il y a des problèmes. Dieu a créé son monde. Nous avons compris ici que ni moi, ni toi, nous n'avons pas décidé de venir ici. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un a décidé que nous venions. Le simple fait que l'espermatozoïde rencontre la gamète femelle, c'est une prédestination. Un taux de spermatozoïde, quand vous prenez un liquide d'espermatozoïde, il y a des milliards d'espermatozoïdes à l'intérieur. Sur ces milliards-là, un seul va féconder. Donc, à l'instant où ça entre dans l'œuf, de la femme comme ça, paf, les autres vont être détruits. Donc, sur les 10 milliards qui a fermé le spermatozoïde, qui t'a fécondé, c'est toi ce qui a eu le dessus. Tant qu'il était à l'intérieur du spermatozoïde, tu as dit que je vous bats. Mais c'est la personne qui a eu le spermatozoïde a choisi que c'est toi. C'est d'abord le choix. Imagine un toi, ça peut que tu voulais entrer comme ça, un spermatozoïde était entré avec toi, ce qu'on ne serait pas aussi urgent de croiser avec toi. Et frère, c'est comme ça pour chacune des personnes. Donc, ça veut dire que. Je suis dans le ventre de notre mère là maintenant. Non, je suis au lit avec le père et la mère. Pendant que le père et la mère dit que maman, c'est comment elle dit que non, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent pour faire telle chose. Il y a déjà 3, il y a déjà 4. Il dit que non, c'est soit. Tu sais que Daddy, la négociation là, c'est pour te faire venir au monde. Ah frère, ne me venez pas faire qu'ils disent que des choses. C'est-à-dire que même les câlins de la mère et du père est prédestiné. Pour préparer pour que tu puisses sortir. Alors, quand tu dis maintenant, Daddy dit que maman dit que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous voyez, et ces choses-là, quand ça sort de cet homme-ci, le liquide-là, et que dans les reins, soit gauche, soit de la femme, de la trompe, se trouve dans cette ovule-là qui a été fécondée, qui a été propulsée à l'extérieur, il parcourt son chemin. L'espermatozoïde, dans le. C'est pas le cours de science, là, mais il faut que j'arrête dans ces choses-ci, pour vous, de ça, je peux vous c'est ce que je suis en dire, d'accord? Le spermatozoïde commence à aventurer. Le groupe de sperme qui est là-bas, vous regardez dans le microscope, il y a plusieurs entités qui sont des bascules à l'intérieur comme ça là. On appelle ça les spermatozoïdes. Il y en a des millions dedans. Et dans ces millions-là, un seul est censé toucher cette œuvre-là. Donc il y a la, c'est plus que la course du Mont Cameroun. C'est plus que la course du Mont Cameroun. La course du Mont Cameroun, c'est souvent les 2000 personnes qui parcourent, souvent c'est 500. Là-bas, c'est des millions. Et c'est un seul qui va arriver. Donc tu avais un chance, une chance sur un million pour venir au monde. Un sur un million. Donc 10 puissance moins 6. C'est ça que tu avais pour venir au monde. Mais c'est tombé sur toi. Ok. Maintenant, quand tu viens là-bas, bam. Dans ces choses qui est entré là, toutes les informations te concernant et concernant tes arrières, petits-fils sont déjà contenues. Mais c'est terrible. La couleur de tes yeux se trouve dans cette petite flagelle là. La couleur de, le nombre de courses que tu vas faire, le nombre de battements de cœur, le nombre de respirations, le nombre de que tu vas faire sur la terre, toute personne que tu vas rencontrer, c'est déjà programmé dedans. Vous parlez de prédestination. Soyez pas avec prédestination, je glisse seulement, je rentre. Si je rentre ici à l'intérieur, vos cheveux vont se lever maintenant comme ça. Mais je vais aller vraiment doucement seulement. Alors, Dieu dans le ciel a créé les êtres humains sur la terre. Il veut d'abord aller dans les deux entités, l'homme et la femme. L'homme et la femme sont ici. S'il n'y avait pas de problème, s'il n'y avait pas de problème au jardin qui nous a conduit dans toutes ces dérives ici, c'est qu'on connaît. On ne serait même pas là en train de poser des questions s'il y a une possibilité, parce qu'on ne serait pas cette possibilité-là. On saura seulement comme on a été connu, comme dit la Bible. Voilà, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, il se pourrait donc que Satan vient coucher avec Ève. Donc le premier péché, le péché originel, c'est l'adultère. Alors, deux enfants sont dans le ventre, donc deux postérités se mettent sur la terre. Deux groupements de personnes se mettent sur la terre. Le problème maintenant, c'est ceci. L'une des prospérités ne vient pas de Dieu. Comme ça ne vient pas de lui, ça n'ira jamais à lui. Donc la destination, c'est l'enfer. Voilà le problème. C'est là où le problème commence. Alors, toutes les autres qui sont de la postérité, si Dieu a programmé toutes les choses de leur vie qui sont censées se passer, donc c'est de leur donner leurs questions. C'est-à-dire que ceux de ces postérités font n'importe quoi, de toutes les façons, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les mauvais, parce que c'est la loi naturelle. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu as ce qui va retourner à lui, ce n'est que ses enfants. Je vais prendre un exemple simple. Si ça vous saisit, vous ne comprenez pas, comprenez maintenant avec le naturel. Voici un père. Si vous êtes un bon père, un père qui est image du Père Céleste. Vous êtes un bon père, les enfants sont en train de jouer comme ça. Et puis vous voyez, les enfants sont en train de bagarrer. Il y a votre enfant parmi, deux enfants sont en train de bagarrer. Le bon père vient, qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi maintenant, vous les hommes qui êtes ici. Quand le père vient, il voit son enfant en train de bagarrer avec un autre enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il dites-moi, à haute voix, il fait comment? Et quand il ne sait pas, il fait quoi? Il corrige son enfant. Quand c'est celui-ci, c'est son père qui doit le corriger. C'est exactement cette image-là qui est dans Dieu. Or, remarquez très bien qu'il a séparé les enfants. Les enfants ne font pas le mal les uns les autres. Il les sépare. Après, c'est tourné vers son enfant. Je t'avais dit quoi? Tu faisais quoi ici? Toi, il peut taper parce que même l'enfant là encore pitié de son voisin avec qui il luttait. Pourquoi? Il corrige son. C'est son. Quelqu'un dit son. Maintenant, quant à celui-ci, quelqu'un d'autre va s'occuper. Si les délinquants, c'est son problème. Un bon père fera comme ça. Alors maintenant, si tu es un mauvais père, qu'est-ce que tu fais? Tu viens, tu te mon enfant. C'est pour dire à ton enfant que la police ne peut pas attaquer sur derrière. Dieu ne fait pas comme ça. Dieu ne fait pas comme ça. David déclare qu'il nous châtie. Il nous châtie. Afin que nous participions à sa sainteté. Pour qu'on puisse le craindre davantage. D'accord? Alors maintenant, je réponds non. Cette chose, cette analogie, c'est répond à ta question vraiment. Deux groupes de personnes se trouvent sur la terre. L'un appartient à Dieu. Ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu a programmé des choses. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projet de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et une espérance. Avant que tu ne fasses dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré prophète. On a lu Psaume 139, la dernière fois, verset 14 à 16, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les enfants du Seigneur. D'accord? Maintenant, avec Dieu, non, maintenant, ça, écoutez bien, c'est Dieu qui a programmé ça pour ses enfants. D'accord? Satan donc, a le programme pour ses enfants. Son programme à lui. Dieu les connaît aussi. Parce que Dieu a programmé. Vous comprenez la différence? Ça veut dire que, supposons que cette personne ici, c'est Dieu. Celui-ci, c'est son enfant. Alors, ce qu'il a programmé pour lui, il monte, il descend, il va seulement accomplir ça. Parce que c'est son enfant. Vous avez compris? Il n'est pas faute, mais il va seulement accomplir cela. C'est la Bible qui nous présente ses frères. Maintenant, quant à ce qu'ils sont du côté de Satan, Dieu, comme il est omniscient, omnipotent, il connaît déjà chaque personne. Nous l'avons vu au monde. C'est là où ta destination. Il connaît exactement là où tu vas aller. Mais ce n'est pas lui qui t'a programmé où. C'est Satan pour le défi qui a envoyé sa semence. C'est Satan pour le défi qui a envoyé sa semence. Que je vais te voir, je vais te montrer, que je vais monter, c'est dominer sur eux. Alors si la montée m'assoit, ils vont m'adorer. Dieu dit que mes enfants n'entendront pas autre voix. Ils entendront ma. Voilà. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Vous avez entendu? Je prends donc premier exemple par rapport à l'échantillon de l'église. Voici le Seigneur Jésus qui vient, il entre dans la chair, il a laissé promener en bord de mer. Il voit Pierre, il dit toi, suis-moi. Après il regarde, il prend Barthélemy, soit, suis-moi. Prends celui-ci, suis-moi. Il y a des gens là-bas dans la foule, toi, suis-moi. Cette sélection n'est pas au hasard. On est d'accord? Cette sélection n'est pas au hasard. Maintenant, merci Père. Lisons Jean chapitre 17. Souvenez-vous, je suis en train de parler maintenant là de Luc chapitre 6, où il fait la sélection. Lisons maintenant la sortie dans Jean chapitre 17 pour voir quelque chose. D'accord, mes chers amis? Jean chapitre 17. Je prends mon cher frère. Jean chapitre 17. On y va? Ok. Si vous êtes dans Jean chapitre 17, je vais lire à partir du verset 6. On y va? Ok, mais regardez. Verset 6 dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Vous avez entendu ce que Jésus a dit? C'est Jésus qui a dit de prier parce que c'est qui bientôt va quitter le monde. D'accord? Il dit au Père, il a de faire la prière pour les saints. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. On n'a pas le temps de parler de ceci, on devait parler maintenant le nom de Dieu. Non. Ici, littéralement, dans Jean chapitre 17, particulièrement verset 11, la Bible déclare littéralement dans Jean chapitre 17, verset 11, que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce qui écrit dans votre Bible. C'est écrit là. Donc Dieu s'est fait connaître par son nom qui est Jésus-Christ. C'est écrit au verset 11 là qui est en bas là. Donc, je n'ai pas le temps de parler de cela. Regardez. J'ai fait connaître ton nom. C'est pas que il est venu là dire que. Comme le témoin, je vois que le nom de Dieu c'est Jéhovah. C'est pas ce que Jésus a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. En me voyant, ils ont su effectivement qui je suis. Ils ont su maintenant que le dernier nom dans lequel tu t'es révélé, c'est Yehoshua. Ils savent. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Gardez ceci à l'esprit. Il dit que tu m'as donné. Donc les hommes qui ont connu Jésus-Christ, c'est Dieu qui les a donnés à Jésus. Vous y êtes? Regardez la suite. Il dit, du mieux du monde, ils étaient à toi et tu me les as. Ils ont gardé ma parole. Regardons ici l'esprit et puis communiquons. Avant que Jésus ne vienne physiquement pour dire à Pierre que jette ton filet, après il dit que viens, suis-moi. Pierre était quoi? Est-ce qu'il savait qu'une discussion, il y avait quelque chose qui avait dit de lui là-bas en haut? Vous ne savez pas. Même ici, par exemple, jusqu'à en parler, toi et moi, nous sommes êtres humains. Les décisions sont faites sur ta vie sans ton ordre. Écoutez bien, si vous réfléchissez sans avoir de problème, vous allez comprendre que votre sexe, on ne vous a pas demandé pour que vous soyez mâle ou femelle. D'abord, quand on demande ta famille que tu veux encore naître là-bas, tu dis jamais, je vais être américain, pas vrai? Sachant que si tu dis que tu veux être de quelle famille, que tout le monde dit fausse victoire, cette personne ne verra naître chez Père Chabda. Alors, comme il y a beaucoup de choses comme ça, vous savez très bien que l'homme normalement fuit la pauvreté et la souffrance, non? Quand toi tu vois la télévision, tu vois une fille sortir avec la voiture, ça, même quand tu passes, tu comprends que celle-ci a fait quoi pour mériter ça et moi il souffre comme ça, alors qu'il craint Dieu. C'est pas ça? Elle n'a rien fait, toi tu n'as rien fait. Mais Dieu a fait tout. La Bible déclare en Proverbe que et le pauvre et le riche, c'est Dieu qui les a créés. C'est Dieu qui les a fait comme ça. D'accord, mon cher? Donc voici, donc je prends cet exemple simple parce que c'est les premiers apôtres, les premiers disciples. Jésus vient dire que toi suis-moi. Quelqu'un peut dire que hey, il m'a choisi. Jésus dit que non, le choix n'a pas commencé ici. Il dit qu'ils étaient à toi et tu me les as donnés. À quel moment? Après, on progresse dans la Bible, on dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. C'est ce que la Bible déclare. Alors, avant que Dieu ne dise que la terre soit, il avait destiné que je sois ici en train de te parler et tu seras fait bouger la terre comme ça. Amen. Vous entendez tous les amen là, c'était prévu. Même si vous bougez la tête comme ça, même si vous forcez pour ne pas dire amen, c'était prévu. C'est ça qui est encore bien avec Dieu. Alors, regardez bien. Il dit que tu me les as donné du milieu du monde. Oh, il n'a pas dit que tu vas me les donner comme si tu étais vivant. Il a dit tu me les as, c'est dans le passé. Pas vrai? Avançons maintenant. Verset 7. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu as, tout ce que tu m'as donné vient de toi. car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils m'ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Jésus dit clairement ici que tout le monde n'est pas à Dieu. Il dit que c'est ceux que tu m'as donné là, c'est ceux qui sont à toi, c'est pour eux que je prie, pas pour tout le monde. Il y a ton voisin qui a deux groupes. Tu es de quel groupe? Si tu es déjà dans un groupe, tu ne peux pas changer. Parce que les décisions ne se passent pas maintenant. C'est depuis. C'est ça le problème. Écoutez bien encore, je veux qu'on soit clair. C'est quand on prend à ce niveau, ces gens commencent à s'énerver. Même si quelqu'un s'énerve, c'était prévu qu'il s'énerve. Alors maintenant, tu es en train de marcher, tu marches comme celle-ci maintenant. Elle ne sait pas encore qu'elle est homme ou femme. Vous savez ça? Mais pourtant, vous, de l'ex, vous savez qu'elle est homme, qu'elle est femme, pas vrai? Ok, bien qu'elle ne soit pas au courant, elle est quand même femme. Elle va se lever, elle est jour. Elle dit que oui, je vais enseigner la parole de Dieu. On dit que stop, tu ne dois pas enseigner. Elle dit, ouais, si j'étais un homme, elle peut devenir homme. Tout ce qu'elle peut faire, c'est spéculer. Tout ce qu'elle peut faire, c'est spéculer. C'est-à-dire que, dit que ouais, si j'étais un homme, ça ne peut pas changer. Même si elle voudra devenir un homme, elle n'a pas le pouvoir de devenir un. C'est Dieu seul. C'est pour dire quoi? Tu es dans un groupe, tu ne peux pas changer de groupe. C'est-à-dire que quand tu es au milieu de nous, là, tu es destiné pour l'enfer. Sois-en sûr. Il n'y a pas de possibilité que tu partes de l'autre côté. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire quoi? Les enfants de Dieu ne deviendront jamais les enfants de Satan. Les enfants de Satan ne deviendront jamais les enfants de Dieu. Les deux semences vont aller de côte à côte. À la moisson, Dieu va les faire séparer. C'est simple. C'est ce que la Bible déclare. Non. Avant que Jésus ne dise, on était des enfants de Satan. Jamais. Cette enfance qui est ma fille ne peut pas être l'enfant de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Pour qu'elle soit enfant de l'autre, il faut que le spermatozoïde qu'il a engendré sorte de moi. Et rentre dans son ADN, aller entrer pour sortir de l'autre côté. C'est possible ça, frère? C'est pas possible. Mais il faut qu'on fasse attention. Donc, Dieu connaît ses enfants. Regarde bien. Or, quand il a choisi Pierre à la fondation du monde, il a programmé que comment on va faire avec cette pièce-ci? C'est lui seul qui parle comme ça là. Il dit, je sais ce qu'il veut faire. Il va être péché pour s'en tenir, pour voir savoir comment pêcher les hommes. Donc quand Pierre vient, il trouve son travail qu'on a péché, l'endurance haut là-bas. Il ne sait pas qu'il est dans le plan de Dieu par rapport à son travail. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas que c'est comme ça. Il s'est trouvé embordu de la mer. Et c'était prévu que c'est embordu de la mer que Dieu va le rencontrer. Il ne peut pas manquer. C'est là-bas. C'est terrible. Observez. Regarde. Verset 11. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ce que tu m'as afin qu'ils soient un comme nous. Où est-ce, n'est-ce pas? Donc, Jésus dit clairement que tous ceux qui sont de lui sont un. On ne peut pas les séparer. Alors, il n'y a pas de telles choses dans la Bible que tu peux perdre le salut. C'est pas possible. C'est-à-dire que, dire que quelqu'un peut perdre le salut, ça suppose donc qu'un homme peut devenir une femme peut devenir un homme. Un enfant peut devenir un Bamileke. Même si tu pas dit que je change de nationalité, tu es quand même Camerounais. Même si tu mets le caribou, tu deviens brune comme le soleil. Tu sais très bien, quand tu regardes au mur, tu sais que c'est le faux là. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a les transsexuels maintenant, les hommes qui opèrent, parce qu'ils injectent les hormones pour devenir comme une femme. Mais dans son esprit, il sait qu'il est une femme. C'est la possession seulement. Vous entendez, mes chers amis? Donc, autrement dit, toute chose marche comme il a dit. Autrement dit, l'autre semence de Satan, il connaît leur fin. Et la Bible déclare dans cette Proverbe chapitre 16, le verset 9, que le Seigneur a fait pour toute chose, pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est ce que la Bible déclare. Amen. Donc, mon cher frère, si tu es des dieux, tous les jours, tout ce que tu dois faire, les pas, même le nombre de prières que tu vas faire tous les jours, les nombres d'habits que tu vas porter sur la terre, est programmé par lui. Le problème, c'est ceci. Tu n'as pas accès à ça. C'est ça le problème. Et n'essaie pas de chercher d'avoir accès à cela. Ça sera aussi difficile pour toi, comme quelqu'un qui est de l'autre côté, qui veut passer de l'autre côté, ou bien comme quelqu'un qui est de ce côté, qui veut aller de ce côté. Si tu es enfant de Dieu, tu veux devenir enfant de Satan. C'est pas possible qu'un enfant de Dieu devienne enfant de Satan. Un chat, même s'il fait wouh, il essaie de toutes ses façons. De faire wouh, sa griffe va être rétractile toujours. C'est vrai que le chat, comme ça, vous observez, rentre dedans, n'est-ce pas? Le chien ne peut jamais imiter ça. Parce que dès l'enfance, dès la création, Dieu a dit que le chat, les griffes rentrent, ça entre. Le chat, pour lui, ça n'entre pas. Alors le chat, tout le chat, lance-le en haut, n'importe pas comment, il tourne, il atterrit comme ça. Pas. Le chien, comme ça, il tombe comme un mangoutin. Pourquoi? Il a l'habilité de le faire. D'accord, frère? J'espère que c'est clair aux yeux. Ah, ben, tu peux penser que c'est clair, parce que c'est ce que ça a fait pour regarder ce message-ci. Si quelqu'un se fâche, qu'il se fâche. Jésus a dit aux pharisiens que vous avez pour père le diable. Il n'a pas dit que cherchez à changer de père. Et là, c'est pas dire le naturel qui était là-bas. Vous savez ça, n'est-ce pas? Vous avez vos pères, le diable, vous trompez les gens en disant que Abraham votre père. Si vous dites, Abraham votre père, vous devez me croire. Parce que Abraham a parlé à mon sujet, il savait très bien. Ils ont même vu mon jour. Ils ont pris le calcul de la paix de Jésus. Ceux qui étaient des démoniaques, ceux qui disaient de Jésus que Jésus est démoniaque. Ils disent que n'avons-nous pas dit que tu es un samaritain, que tu es un démon, c'est vrai ça. Tout le monde est mort, tu dis que tu n'as pas mouru. Manger des hommes comme ça. Alors que c'est eux qui étaient le problème. D'accord, mes bien-aimés? Ok. Donc, Dieu connaît exactement ce que toute personne doit faire. C'est pour ça que c'est très merveilleux. Pour que lorsque tu dis, ah Seigneur, c'est vrai, donc le Seigneur est mon Père. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire ici à la maison? Dans la maison, qu'est-ce que je dois? C'est la question. Si la question est répondue, tu trouves ta place. Tu commences à voir que. Alors, la place que tu es censé aller, les gens que tu es censé rencontrer, c'est préparé par Dieu, tout simplement. Autre question? Ma question, c'est... Oui. Trouve dans le livre de Proverbes. Dans le livre de Proverbes. Proverbes. Oui. Proverbes, parlant du commandement, d'une loi, des préceptes et des ordonnances. Mm-hmm. Donc, j'ai un peu... Il n'arrive pas à comprendre. Oui. Donc, ça veut dire que tu ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle un commandement, qu'est-ce qu'on appelle ordre, qu'est-ce qu'on appelle ordonnance. Est-ce que c'est un commandement, une loi, un précepte, une ordonnance? Amen. Donc, vous pensez qu'en parlant de sa définition-là, un jour ne nous suffira pas vrai? Même pas 30 minutes, pas vrai? Donc, on va revenir sur cela. Je vous avais dit, ça fait 2 ans aujourd'hui que je dis qu'il faut que ça fasse discerner. Cette question, j'avais peut-être dit ici, que discerner, c'est qu'est-ce qu'une ordonnance? C'est que c'est qu'un commandement, des préceptes. C'est-à-dire que c'est des choses différentes. Le commandement de Dieu ne peut pas changer. Les ordonnances peuvent être changées. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est déjà un signe déjà. D'accord? Ce sont les ordonnances, comme par exemple, l'Hébreu dit que c'était des événements qui étaient fixés, des ordonnances charnelles, fixées jusqu'à une époque des réformations. Mais la loi ne peut pas changer. Donc il faut que vous disiez la différence entre, en fait, entre la loi et les lois aussi. Donc il faut qu'on ajoute là-dessus. La loi et les lois, c'est différent aussi. D'accord? Vous entendez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la loi royale? Qu'est-ce que la loi de la liberté? Qu'est-ce que la loi de Christ? Qu'est-ce que les lois de Dieu? Les commandements de Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des choses différentes. Vous savez, souvent, quand il y a des scandales, les gens disent que, quand ils lisent la Bible, souvent, ils disent là comme ça. Un frère venu me voir dire que non, frère, c'est la même chose. Et ce m'a dit à mon cœur que continue comme ça. Après, tu vas effacer le commandement de Dieu toi-même. C'est le commandement qu'on a dit qu'on ne peut pas effacer. Pourtant, les ordonnances peuvent être effacées. Voilà, n'est-ce pas? Ok, donc, on va revenir sur ça. Oui, frère, tu voulais poser la question. Je voulais demander si la Bible est par rapport à l'eau bénite. À l'eau bénite? L'eau bénite, c'est quoi, frère? Comme on le voit dans les dominations, il y a l'eau qu'on bénit. Donc, si c'est d'abord dans les dominations, mets ça de côté. Prenons la vraie eau qui est bénie de la parole, d'accord? Mm-hmm. Donc, ça règle le problème. La vraie eau bénite, c'est là. Mm-hmm. Père, sanctifie-les par. Dans ce, nous sommes dans Jean chapitre 17 qui veut nous donner la verset 17 dit quoi? Il dit Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est. Mm-hmm. Donc, l'eau bénie de la maison, ça de côté. Observez la parole. Il y a la place ici. Personne n'est assis ici, n'est pas vrai? Oui, Avant d'un Jean de 11 à 12. Un Jean? 11 à 12. Un Jean? Non, Jean chapitre 1. Ben voilà, chapitre 1, verset 11 à 12, oui. On peut expliquer ça comment? Parce qu'il n'y a pas d'explicable, frère. Mais comme on dit, ils ont l'air d'être de devenir. Pourquoi là-bas, on a dit c'est écrit devenir enfant de Dieu? Ok. Disons, est-ce qu'on peut lire ici? Donc, tu étais ici la dernière fois? C'est vrai le problème. Je vais rappeler ça exceptionnel pour ceux qui n'avaient pas été la dernière fois. Soulignez dans votre Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, le verset verbe devenir. Dans ce Jean chapitre 1, le verset 11 et 12, il dit que elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. S'il y a un verset aussi qui est mal compris au milieu des pentecôtistes, aujourd'hui c'est ce verset-ci. On n'est même pas enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. C'est écrit au Jean 1, 11, verset 10. On devient enfant de Dieu. Vous parlez. Vous allez comprendre la Bible là, vraiment. De cette façon-là. Ok. Observez. On n'est même pas enfant de Dieu. On. Ok. Donc, avant d'être enfant de Dieu, avant de devenir enfant de Dieu, tu es enfant de quoi? De qui? Dites-moi donc. Enfant de Dieu. Donc, ça veut dire qu'un de ces jours, les anges vont se convertir. Les anges et Satan vont se convertir. Donc, souvenons-nous de ceci. Avant que vous ne soyez fille maintenant, d'être au courant que vous êtes fille maintenant, vous étiez quoi? Ça veut dire que vous êtes devenu fille, vous êtes fille toujours. Tu dis que tu es fille toujours, tu es fille, mon cher. Ils sont pas là. Mais en fait, la même question est automatiquement posée pour les garçons, pas vrai? Est-ce qu'il y a un moment où tu deviens garçon? Non. Donc tu es né garçon? Tu as toujours été garçon. Ne t'inquiète pas, la parole que déjà tout le monde connaît. Maintenant, ok, comment on reçoit donc? Comment elle est, comment on la reçoit? Avant de devenir, il faut que tu reçois, pas vrai? Ressens quoi? Dites-moi, comment est-ce qu'on reçoit? Vraiment, hein? Vraiment. Paul était-il enfant de Dieu? Oui. En devenant, il a écouté quoi pour entrer enfant de Dieu? Dis-moi, frère. Dis-moi ce qu'il a écouté pour être enfant de Dieu. Ok, il a écouté la voix du Seigneur. Ne vous connaissez pas écouter l'enfant de Dieu? Vous voyez comment le jeu pousse le front au mur, n'est-ce pas? J'ai dit qu'il écoutait quoi? Il dit la voix de Dieu. Il ne vous connaissait pas écouter. Pas vrai? Ouais. Pharaon a écouté. Pas vrai? Ouais. Est-il enfant de Dieu? Ouais. C'est terrible. Caïn a écouté. Enfin, voilà le premier modèle. Merci, frère. Que le Seigneur te bénisse. Donc, la première personne qui a écouté la voix de Dieu, Abel n'a même pas écouté la voix de Dieu. Dieu n'a même pas causé avec Abel. Mais Abel, c'est son fils. C'est terrible. Mais avec Caïn, il a dit que, mais, pourquoi ton frère dit que ça n'aime pas parler de toi? Tu restes en haut là, tu dirais les gens sur la terre ici là. Il est quelque part à se promener. Comme tu connais, tu cherches quelque part là-bas. Peut-être l'avait tué. Pas vrai, mon cher. Ils ont eu un long entretien. C'est même Dieu qui a élevé lui pour lui parler. Parler avec lui, négocier le marché avec lui. Ça peut marcher du côté de Dieu. Est-il enfant de Dieu? Eh, mon cher. Donc, je recommence encore la question. Il dit dans Jean chapitre 1, verset 11 à 12 que elle est venue chez les siens. On parle de la parole. Frère, l'heure est en train d'arriver. Souvenez-vous de ceci. Gardez bien ceci à l'esprit. Je vous avais dit que jusqu'à aujourd'hui, vous n'êtes pas encore mis à cette chose que je ne dois pas encore dire. Je vous le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que si je vous dis là maintenant, si ça sort de cette bouche, vous allez sortir. Il dit même vous là qui me dites que vous m'aimez là, vous allez sortir là maintenant. Donc je garde. Je vais avancer doucement, doucement, d'accord? C'est les signes de ça qui sont arrivés comme ça. C'est les signes. C'est-à-dire que ces choses qu'on doit, qui doit être dites. Et si je me tiens ici devant vous une ou deux fois, il vous dit que faites attention avec la Bible. Donc il faut qu'on travaille sur la Bible parce que je vous montre les versets qui ont été tronqués pour qu'on remplace. Un essai, je vous dis que faites attention, gardez toutes vos versions de la Bible. Elle est toujours, je vais essayer. Et puis il dit directement que pendant qu'on se tient ici, une version de la Bible est en préparation. Cette version-là, tout le monde va l'adopter. Et vous ne faites pas attention. Ça veut dire que quelque chose n'arrive, quelque chose en préparation. Donc on est d'avancer sur un terrain où je vais vous dire quelque chose. Chaque fois quand quelque chose est dit ici en disant, faites attention, il y a quelque chose qui se trouve derrière. Donc ça sera parlé. C'est proche. Donc je vais parler ça maintenant et voiler. D'accord? Je vais parler et voiler. Donc essayez de vous être attentif, vous ne pouvez pas comprendre parce que ça se trouve scellé. Mais je vais dire ça tout bientôt. Et le jour que vous commencez à dire, je vais vous dire que c'est parce que l'une des choses qu'il disait la dernière fois, d'accord? Pour que ce soit clair. Maintenant, regarde ici. Elle, au commencement, était la parole. Et la parole, je ne pose pas la question, parce que je pose la question, vous pouvez deviner. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la lumière des hommes. Verset 9. Elle était la lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle, je sais maintenant verset 11. Elle est venue chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Celui reçu. On s'est arrangé à la maison que je ne dérangerai pas aujourd'hui, non. Vous avez souligné? Ok, donc maintenant, observez. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Elle est mise pour qui depuis là? Voilà. À tous ceux qui l'ont reçu, virgule. À ceux, pas tout le monde, à ceux qui croient en son nom, virgule. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant. Ok, maintenant. On ne peut pas faire dire la Bible, ce que la Bible ne dit pas. Maintenant, nous tout à l'heure, on a lu le verset 17. Chapitre 17. Hein? Tout à l'heure, on a lu le chapitre 17. Il se tient là, il dit à son père que, Père, je ne prie pas pour tout le monde, pour ceux. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Ils ont cru au nom que tu as dit que je les révèle. Ils étaient à toi. Qu'est-ce que ça veut dire là? À quel moment ils étaient à Dieu? Répondez-moi. Ils étaient à quel moment? Dès la fondation du monde, ils étaient à qui? Et vous vous dites là que c'était les enfants de Satan. C'est ce que vous venez de dire. Je vous pose la question. Comme si vous dites que avant d'être enfant de Dieu, on est quoi? Vous dites enfant de Satan. Vous venez de dire que Dieu convertit les enfants de Satan en son enfant. Et vous faites de la Bible un menteur. Voici donc le verset qui a détruit le pentecôtisme. Il y a ce verset-ci et le verset de Romains chapitre 10, verset 9 qui dit que si tu confesses ta bouche au Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que tu es le Seigneur de mort, tu seras sauvé. Voilà les deux versets qui ont conduit les gens à faire ce qu'on appelle vouloir être sauvé, répéter après moi. C'est ça qui a conduit les gens comme ça. On a comme impression que ça dit, les gens ont compris ceci. Si je veux venir à Christ, il faut qu'il confesse Jésus. Il faut que je confesse Jésus. Qu'il dit, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Il ne viendra pas. Absolument. Il ne viendra pas parce qu'il n'a jamais dit ça dans la Bible. Il ne viendra pas. Dieu n'a pas ordonné cela. Alors, je crois que les premiers points qu'on a examinés, c'est dans la Bible. C'est pour ça qu'il pose la question tout à l'heure. Comment est-ce que l'apôtre Paul est venu? A-t-il dit, Seigneur Jésus, qu'il te reçoit comme mon Seigneur, mon Sauveur? Était-il enfant de Dieu? Ok, maintenant. Dis-moi donc. Tous ceux qui le reçoivent, ils devaient enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on le reçoit? Si je réponds à cela, on va voir, on va avancer. Hein? Ça dit que quoi, frère? Dis ce réveil. Alors, il s'est réveillé à l'apôtre Paul. Il s'est réveillé à Corneille. Il s'est réveillé au Samaritain. Alors, ça veut dire que forcément, il doit se révéler à tout le monde. Pour qu'on devienne son enfant de cette façon-là. Donc, ça veut dire que si tu veux dire comme ça, si quelqu'un n'a pas reçu sa révélation, il ne peut pas être guéri. Ça devient compliqué. J'ai dit que. Chacun va trouver son moment, son endroit. Chacun va reconnaître son vrai père. Si quelqu'un ne parle pas, il connaît son vrai père. De toute façon, vous ne connaissez pas votre père, votre père va vous adopter bientôt. Alors, regardez ici, frère. Vous savez, souvenez-vous, je vous avais dit ici, aussi, ici, ne faites jamais cette erreur-ci. Lis un mot dans la Bible. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous déposez la Bible, vous prenez le dictionnaire. Ne faites jamais cette erreur. Vous allez voir vos problèmes avec le Seigneur. Ne faites jamais cette erreur. C'est-à-dire que vous dites, vous voyez un temps marié, divorcé dans la Bible. Vous fermez la Bible, vous allez prendre la Bible, le Larousse. Vous dites, marié, ça veut dire quoi marié? Union. Un de ces jours, comme on a déjà mis le mot sexualité là, vous allez voir ça ajouter là-bas. Vous allez voir ça ajouter là-bas que mariage signifie aussi, on va dire mariage entre deux êtres. Quand on dit deux êtres, ça peut être homme-homme, ça peut être femme-femme. Pourtant, quand tu entres dans la pensée de la Bible, ce n'est pas comme ça qu'on définit le mariage. Donc faites attention, ne quittez pas la Bible pour aller quelque part chercher une définition. C'est-à-dire quoi? Si il y a un mot dans la Bible qu'on veut comprendre la définition, la Bible doit devenir la définition. Si nous sommes d'accord par rapport à cela, on va voir la définition de recevoir dans la Bible. Si c'est vrai, on voit la définition, c'est que recevoir. Alors vous allez commencer à avancer. Parce que tant qu'on n'a pas compris recevoir, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de devenir enfant de Dieu, de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de se rendre compte qu'ils sont son enfant. À l'instant où il te révèle à toi, tu sais exactement qui il est. Ah, écoutez bien, écoutez. Je vois celui, c'est pas ce que Jésus, Moïse a parlé là-bas. On a vu quelqu'un, Jésus de Nazareth, dans ce bord du temps. Tout ça, le sol est vendu, il prêche les dîmes, il prend les enfants des gens. Viens et vois. Ok, allons sinon, puisque c'est toi André qui le dit. Vous. Écoutez bien, maintenant, verset Jésus, il se tourne. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Rabbi, d'où me connais-tu? Vous avez un, n'est-ce pas? Tu es le roi d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette déclaration? Il leur a donné le pouvoir de se rendre compte qu'ils sont son enfant, de devenir. Pas que devenir, écoutez bien, je n'ai pas du langage biblique. Devenir ne peut pas dire que non. Comme je crois en Christ, c'est ça qui a amené aussi la dérive dont on a vu tout à l'heure là. Quand on est en Christ, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Il n'y a plus ni homme ni femme. Mais c'est pas ce que la Bible déclare. Alors devenir enfant de Dieu. Non, quand j'étais dans le monde, j'étais oublié. L'apôtre Paul dit que c'est pas comme ça. Il dit que Dieu l'avait mis à part avant la fondation du monde. Il l'avait mis à part dès le sein maternel. Il ne connaissait pas seulement. Il dit que lorsqu'il prie donc de se révéler. Il dit qu'il n'a pas conçu la chair. Il s'est seulement réveillé. Il a dit, mais attends, qui es-tu? Seigneur. D'accord? Je vais recommencer doucement. Elle est venue chez les sœurs. Vous qui êtes ici nouvellement, vous allez avoir le problème parce que j'ai depuis des semaines, j'ai parlé de cet aspect-ci. On touche là de la nouvelle naissance. Alors, voici comment les gens ont dit dans les dénominations que voici comment on est de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut faire quoi? Tu dis, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur et mon Maître. Franchement, vous avez vu ça dans la Bible? Franchement, vous avez vu ça dans la Bible? Non. Vous avez vu quelque chose, quelque chose qui a approché, il a dit que reçoit Jésus. Vous avez vu ça quelque part? Non. Alors c'est étranger à la Bible. Forcément, toute personne qui a fait comme ça, il se dirige quelque part dans la Géhenne. Forcément. Amen. Parce que Jésus ne viendra pas, parce que Jésus ne vient pas de cette façon-là. Vous dites, depuis qu'elle a fait comme ça, elle a changé. Absolument. Vous avez vu quelqu'un qui a un bon caractère plus que Judas? C'est celui qui il met même les pauvres parce qu'il voulait, il prend même les défenses devant Jésus. Vous savez ça, n'est-ce pas? Il dit, merde, au lieu de gaspiller le parfum qu'on s'en. On devait vendre ça à 400 000 pour partager aux pauvres. Il prenait la défense devant Jésus, il défendait les pauvres. Il veut dire Jésus qui ne s'occupe pas des pauvres. Lui, il s'en va dans le ministère des pauvres. Vous parlez de Judas. Vous entendez, mes chers amis? Ok. Alors maintenant, on avance. Alors la nouvelle naissance, on a vu ça la dernière fois ici. Qu'on ne naît pas de nouveau en écoutant la parole de Dieu. Ce n'est pas ça dont la Bible parle. Sinon, quand chacun va écouter la Bible, il va naître de nouveau. Ce n'est pas ce que... On a vu ça ici, n'est-ce pas? On a examiné cas par cas tout ce qui a été mis de nouveau dans la Bible. N'est-ce pas? On a vu que personne n'a répété une prière pour naître de nouveau. On a vu ça? Ce n'est pas ça? On a pris le cas de l'apôtre Paul, le type même de chrétien dont la Bible parle. On a vu clairement qu'il n'a pas reçu une confession de péché et de prière pour être sauvé. N'est-ce pas? Ok. On a vu que Pierre a prêché le premier jour. Presque 30 personnes ont cru. Personne n'a répété une prière pour être sauvé. On a vu ça. Deuxième cas, on a vu comment il a prêché 5 personnes. On a vu que Paul est allé à l'aéroport, il a prêché. On a dit que c'est pendant quelques Grecs crus et s'attachaient à lui. Oh, il n'a pas demandé. On a dit seulement comment il a dit que le Dieu qui a créé la terre n'a mis pas le temps le même fin d'homme. Quand il a fini avec la résolution, chacun est parti. Ça c'était suffisant pour convertir c'est un père. Personne. J'espère que vous en avez de comprendre. On a vu que chez Corneille, Pierre parlait. Oh, remarquez très bien ce qui s'est passé ces jours-là. Pendant qu'on était en train de parler, le Saint-Esprit a dit exactement que ce sont ses paroles qui devaient le sauver. Et il nous a envoyé là-bas dans Actes chapitre 11. C'est là qu'on a découvert dans Actes chapitre 11, on a dit que Corneille envoie à Jopé appeler Simon, qui est nommé chez eux Simon Corroyé, auprès des mères, n'est-ce pas? Il a dit qu'il te dira, il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Et on voit clairement que Paul Pierre va, il commence à prêcher une parole qu'il ne connaissait même pas. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il vient là, il a dit à Corneille que, dis-moi pourquoi tu m'as envoyé. L'ange, il lui raconte son histoire, qu'il était là l'autre jour, un an après, il a dit que j'envoie vous appeler. Dis-nous pourquoi tu es venu. On a vu que Pierre ne connaissait pas, c'est pourquoi il est là. Corneille ne sait pas c'est pourquoi il est là. Donc les prédications n'étaient pas préparées. C'est-à-dire que les prédications préparées ne peuvent pas faire de nous. Et c'est là le danger de l'école biblique. Parce qu'on conditionne les gens à croire. C'est pour ça que je vous ai parlé depuis des années. Vous parlez de la conviction ecclésiastique est différente de la conversion du Saint-Esprit. Donc quand les mots sont utilisés depuis des années, vous ne savez pas pourquoi je le dis. Donc à partir quand il dit, je garde par la suite développer par la suite, jusqu'à le moment de compréhension arrive. La conviction ecclésiastique, c'est-à-dire que quand les pasteurs qui ont soumis des formations vous parlent des raisonnements convaincants, tu dis oui, il a raison. Ça ne fait pas que tu sois croyant. Tu es seulement convaincu. La conversion, ça veut dire que cette chose-là envoie la vie de Dieu en toi et cette vie-là commence à se manifester à l'intérieur de toi. C'est la différence là-bas. Alors, Pierre est en train de parler que tout le prophète rend de lui le témoignage que quiconque croit en lui, voilà, n'est-ce pas, obtient par son nom le pardon de ses péchés. La Bible déclare littéralement que comme Pierre prononçait encore, il était encore dans la prédication. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient écoutés. À partir quand le Saint-Esprit est descendu, la prédication s'est arrêtée. Donc, tout ce qu'on a vu là-bas, encore lu là-bas, on a vu que c'est ça qui a sauvé Corneille et toute sa famille. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que la parole du Seigneur, c'est il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Donc, il a prêché, il a été sauvé. Ouais, n'est-ce pas? Ok. Et puis, on a vu également que Paul est allé trouver quelques disciples des gens. Il a dit avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non. Il dit mais de quel baptême? Regardez la prédication ici. Regardez la prédication. Il dit de quel baptême? Même pas où il dit qu'il y a un Saint-Esprit. Ou bien que le Saint-Esprit fût déjà là. Il dit de quel baptême vous êtes baptisé? Parce que la révélation devait être donnée que les promesses au niveau du baptême. Ils sont sur une autre alliance. Alors, il dit alors, non. Oh, je comprends, mais je comprends. Ah, Jean-Baptiste indiquait Jésus. On dit si ceux fut baptisé. Le Saint-Esprit descendait pour confirmer qu'ils ont cru. Alors finalement, quelle est la parole? Pourquoi l'exécuteur qu'on a expliqué qu'il faut croire en lui pendant qu'on a expliqué le Saint-Esprit descend? Ici, on a parlé que Jean-Baptiste indiquait Jésus. L'apôtre Pierre a parlé là-bas que c'est les gens ne sont pas ivres, les gens sont sauvés. L'apôtre Paul n'a même pas entendu. Qu'est-ce qui convertit les gens? On a vu dans Jacques chapitre 1, verset 18, qu'il nous a engendré, première chose, selon sa volonté. Donc la nouvelle naissance est prédestinée. Si quelqu'un veut, il saute, il casse en l'air. Il dit, si il nous a engendré, ça veut dire qu'il nous a fait naître de nouveau, selon sa volonté. Première chose. Après, il dit que par la parole de vérité. On n'a pas dit par la parole seulement. C'est-à-dire que vous lisez la Bible, c'est la parole. Enfin, c'est certaines paroles. Alors, la parole de vérité qui est venue chez Corneille n'est pas celle que Pierre a prêché à la Pentecôte. N'est pas celle que Philippe a prêché en Samarie. N'est pas celle que. Et on est arrivé donc au niveau de cette révélation-ci. Si on peut comprendre ceci, on voit avancer véritablement avec le Seigneur. Personne sur la terre ne détient la parole de vérité. Personne sur la terre ne détient la parole. Dieu convertit les gens par la parole de vérité. Et personne sur la terre n'a la parole de vérité. Aucun prédicateur, fût-il même un prophète, n'a de parole de vérité. Alors on a défini la parole de vérité comme la parole destinée pour la conversion de quiconque, quand Dieu va utiliser. C'est ça. Et c'est ce qui est interdit dans la Bible. S'il y avait une parole de vérité qui est destinée à convertir, on, la connaissant, on pourra faire convertir les gens. Regardez l'Union éthiopien, ce qu'il a fallu pour être converti. L'Itux, la question qui était dans son esprit, c'est de qui est-ce que le prophète parle ici? Il parle de l'Union éthiopienne de H.P. de 8. De qui est-ce que le prophète parle ici? De lui-même ou de l'autre? La Bible déclare que Pierre, Philippe, partant de là, lui annonçait la bonne nouvelle qui concerne qui? Jésus. Il dit, comme il continue le chemin, il dit, voici le qui maintient. Il dit, si tu crois vraiment de tout ton cœur que Jésus est le Fils de Dieu, c'est possible. Il dit, je crois. Il dit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le chat, il est rentré là-bas. Vous avez vu de telles choses, frère? C'est comme ça. Donc la conversion, ce n'est pas que répondre de ceci après moi. S'il y a une formule bien établie chez les hommes, c'est que même les sataniens vont se convertir. Voici donc pourquoi vous voyez très bien que les sataniens viennent au milieu chrétien créer des troubles. Vous voyez quelqu'un dit que j'étais sataniste, je me suis converti. Je suis en train d'étudier ce cas-là devant le Seigneur et là, 99% de ceux qui disent qu'ils étaient chez les satanistes, je me suis converti au chrétien parce que j'ai rencontré Jésus, lui, c'était mon, comme mon Seigneur, mon sauveur. Comme Satan sait que ce n'est pas une arme efficace, c'est-à-dire qu'on ne raconte pas le Seigneur, on donne sa vie, c'est faux, il peut s'infiltrer au milieu chrétien. Je vais prendre ça dans le monde entier pour que le monde entier écoute ceci. C'est-à-dire que vous entendez les gens disent que j'étais sataniste, j'étais dans le royaume de Satan, je faisais des choses, mais j'ai rencontré le Seigneur Jésus que j'ai là, c'est comme mon Seigneur, mon sauveur. C'est faux d'après la Bible. Vous allez vous réveiller. C'est faux. J'ai accepté comme mon Seigneur, mon sauveur, donner ma vie à Jésus le 20 février 2014. Tu parles. C'est pas pour ceux qui donnent ta vie. C'est Jésus qui a dit que je leur donne la vie et ils ne périront jamais. C'est pas toi qui donnes ta vie à Jésus. Jamais. Ça montre que tu n'es pas chez Jésus. Alors. Ces satanistes dans là sont en ce qu'on appelle dans le satanisme en état de sommeil ou bien en couverture. Vous savez, je vous ai expliqué ça une fois, je le réexplique maintenant pour que vous compreniez. Dans les films où il y a les mafias, où on veut démanteler un réseau de mafias, où vous voyez souvent les policiers, les antiques gangs, les gens de l'antiterroriste montent un coup avec un policier. On fait comme s'il a commis une faute grave. On l'envoie en prison. On fait comme si on l'a rejeté, comme si on le poursuit, on le disloque. Pourtant, il a mission. Il va maintenant. Le dealer sait que celui-ci a des potentiels de policier. Il connaît le rouage des polices. Donc, comme il a été disgracié chez les polices, il peut le récupérer pour l'utiliser contre la police. Ouais. Vous entendez? C'est cette stratégie que Satan utilise avec ces gens-ci. Alors quand il vient chez le grand mafia, il fait là-bas, il faut comme s'il est fidèle. Très souvent, ces gens-ci font tout et tout pour occuper les hautes positions. Ils ne viennent pas pour occuper les bas positions. Pour puiser bien les informations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il laisse les renseignements quelque part qui entre chez la police. On ne peut pas le suspecter. Est-ce que vous comprenez? Il est en mission, il est en couverture. Mais pourtant, ici, dans le camp des polices, on fait comme si on ne le connaît pas. C'est exactement comme ça, frère bien-aimé, que Satan est en train de faire avec les chrétiens aujourd'hui. J'étais chez les chrétiens, observez tout simplement, Satan est en train de parler. J'ai vu Satan en enfer assis sur son trône. Il torturait les gens, étant sur son trône. L'enfer, maintenant, où nous sommes là-bas, Satan est-il là-bas? Non, c'est simplement faux. Le simple bon sens. Alors qu'est-ce que ça poussait? Parce que les gens ont tellement vu des films des extraterrestres, des films de témoignages des enfers, et ainsi de suite. Les gens ont laissé l'écriture et sont déplacés dans les visions. Satan est en train de détruire les gens. J'étais en enfer, j'ai vu comment les chrétiens souffraient. J'ai vu un pasteur en enfer qui souffrait, qui n'a pas payé les dîmes. Vous voyez là, n'est-ce pas? Or, le Saint-Esprit a dit à l'apôtre Paul et aux chrétiens, depuis le départ de l'église, personne, aucun chrétien n'a payé la dîme. Le Saint-Esprit s'est réveillé aujourd'hui que tous les chrétiens disent, mais qui ne peut pas les dîmes sont en enfer. Et les gens ont peur. Je donne les dîmes parce que pour cela. Parce qu'on a cru, non, c'est en enfer. Et la personne qui dit comme ça, finit de donner son témoignage, il vend son CD. Il vend son livre. Il écrit que droit d'auteur là-dessus. Vous ne comprenez pas que c'est le souverain de l'uniquité. J'ai vu un autre face à face. Il était en train de parler que dans le démon, quand il était, souviens bien le témoignage-ci. C'est un Zaïrois. Il était devant moi en train de prêcher. Il dit que quand il était dans le monde des ténèbres, il commandait 365 démons. Il a dit que c'est lui qui allait donner les ordres. Il a dit que maintenant, comme il se tient ici là-devant, vous tous les démons qui vous connaissent, qui ruinent vos bénédictions là, il a le pouvoir sur eux. Écoutez bien le langage. Si chacun vient ici là, donne 365 000 francs dans une enveloppe, il va commander chaque démon pour chaque jour pour qu'il ne touche pas son enveloppe. Les gens sont en train de vous pas aller. Pourquoi? Parce qu'il a d'abord raconté qu'il était dans le monde des ténèbres, il est venu chez le créé en acceptant Jésus contre Seigneur son sauveur. Et ce qu'il a dit est anti-biblique littéralement. Il dit qu'il a 365 démons. Il a dit clairement que j'étais le chef de ces démons-là. Maintenant, c'est la mission pour vous détourner à partir de ces démons-là. Il est en train de dire comme ça, mais aucun chrétien ne comprend. Il est en train de leur dire que j'ai commandé ces démons-là, ils sont encore sous mon commandement. Ils sont encore sous mon commandement. Je vais les utiliser pour ruiner de l'argent. Les gens venaient donner de l'argent. 365 000 francs. Les femmes surtout. Ils ont pris le cabas. Prêtez l'argent, ils n'ont pas le délire pour que Satan ne les touche pas. Que Dieu les délivre. Alors, Satan a compris donc que les chrétiens ont laissé la Bible pour les sensations fortes. Il va leur donner cela. Pourquoi? J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Il n'y a pas ça dans la Bible, mes chers amis. Vous ne pouvez pas accepter Jésus. Il doit vous appeler. S'il ne vous appelle pas, vous ne vous appelle pas, vous ne pouvez pas venir à lui. C'est ce que la Bible dit. Vous ne verrez nulle part. Accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur et ton Maître. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y en a pas. Jésus-Christ est Maître. Il est Rédempteur. Pourquoi n'accepte pas comme ton Rédempteur? Pourquoi n'accepte pas comme ton avocat? Pourquoi? Si tu dis à quelqu'un que, ok, j'accepte aussi comme ton Dieu, il dit que non, je ne crois pas qu'il est Dieu. Vous voyez le blasphème, n'est-ce pas? Pourtant, il est Dieu toujours, pas vrai? Alors, dans ce cas, pourquoi certaines personnes disent que c'est comme mon Seigneur, mais pas comme Dieu? Qu'est-ce qu'il peut dire Seigneur et qu'il n'est pas Dieu? Alors, Satan a détourné les gens. La nouvelle naissance, qui est la clé pour entrer dans le royaume, justement, a été déprogrammée. Alors, ça veut dire que si tu n'entres pas, c'est la seule façon pour entrer dans le royaume. C'est pas quoi? La nouvelle naissance. Donc, Satan a formé les écoles théologiques. Il a donné l'explication de la nouvelle naissance aux chrétiens. Ils ont accepté pour Satan, laissé pour Dieu. Et ils sont en train d'entrer dans le royaume satanique, ça rend compte. Et c'est comme ça depuis des milliers d'années. Mais ceux qui sont de Dieu connaissent la vérité. Ceux qui sont de Dieu connaissent la vérité. Alors, il est venu chez les cieux ne l'ont point reçu. Reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous parlez que recevoir, c'est quoi? Maintenant, pour ne pas aller trop loin, je vais lire que c'était que je voudrais savoir de quoi il s'en est parlé, d'accord? Je vous avais dit que si vous lisez la Bible, ça sera facile pour moi de prêcher au milieu de vous. Si vous avez lu la Bible, maintenant, regardez-moi, non, regardez. Vous avez lu la parabole des différentes terres. Combien de types y en a-t-il? 4. Ok, s'il y a 4. Parmi les 4, il n'y en a qu'une seule terre qui produit, pas vrai? Maintenant, avant de produire, on dit que la terre reçoit la parole. La terre ne confesse pas n'importe quoi pour recevoir la parole, pas vrai? On vient la planter. J'espère que vous saisissez. Regardez bien, soyez vraiment attentifs. La terre ne fait pas quoi que ce soit pour que la semence entre en elle. La terre qui produit, il dit il y a 4 sortes de terre dans votre Bible là. Il y a 4 sortes. La terre qui a reçu au milieu des épines. Qui a reçu? Souvenez, gardez le mot esprit, recevoir, c'est pour ça que vous aimez les souligner. Celle qui a reçu au milieu des épines. Ce qui a reçu sur des pierres. Ce qui a reçu sur le sable. Ce qui a reçu sur la bonne terre. Ok. Ça vous choque. La bonne terre n'a pas fait quoi que ce soit pour être bonne terre. La pierre n'a pas fait quoi que ce soit pour être pierre. Les épines n'ont pas fait quoi que ce soit pour être épines. C'est préparé par quelqu'un d'autre. Alors il peut se tenir donc là-bas. Dans Jean chapitre 8. Il dit vous, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'êtes pas de mes disciples. Mes disciples, eux, ils entendent. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ok, donc on dit que la terre, cette terre-là qui avait un fruit porte 60, l'autre 100, l'autre ceci, cette bonne terre-là reçoit la parole. Reçoit la sémence qui est en elle et ça grandit. Qui a préparé la terre? Dieu. Qui a fait cette terre là bonne? Dieu. Ok, maintenant regardez bien. Alors la terre là, on sait que c'est le cœur de l'homme, c'est pas ça? Non. Ok. Heureux ceux qui ont le cœur car ils verront. Ok, regardez, si vous lisez dans votre livre dans Deutéronome 1:9, vous allez voir jusqu'aujourd'hui le Seigneur ne vous a pas, l'Éternel ne vous a pas encore donné un cœur pour comprendre sa parole. Vous avez lu ça dans votre Bible? Il ne vous a pas encore donné un cœur. Après dans Esaïe et dans Ézéchiel, il dit que je leur donnerai un cœur de chair, j'ôterai ce cœur de pierre, je donnerai un cœur, je mettrai mon esprit en eux afin qu'ils obéissent à ma parole. Donc, tant qui doit faire violer le cœur pur? Ok, reçois donc le message. Forcez, vous recevez, alors je vois. Donc, forcez donc, vous recevez. Il dit bien, c'est que le diable a dit qu'il va te voler. Arracher la nouvelle naissance alors. Arracher donc la nouvelle naissance. Oui. J'arrache. Arrache ton royaume. Arrache ton succès. Arrache les clés. Arrache. Tu ne peux pas arracher parce qu'elle a dit que ce n'est pas par la volonté d'un homme. Ni de la volonté de la chair. Donc même si le passé voudrait que tu naisses de nouveau, tu parles de nouveau. Même si toi-même tu veux de nouveau, tu n'as pas le pouvoir. Parce qu'il a dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Alors, vous dites. Frère Junior, là quand tu parles comme ça là, je ne sais pas si oui ou non, si tu es de nouveau, c'est ton problème. Moi je présente seulement le miroir, que tu regardes les tâches qu'il y a sur toi. Si tu vois ces tâches là, fais l'effort d'aller dans le miroir, tu enlèves ta tâche, pas les tâches. Mais le plus, ce que je dis, c'est pour inciter et réveiller notre sainte intelligence. C'est notre sainte intelligence, c'est que il ne faut pas qu'on soit sur la route de l'enfer, croyant qu'on est allé au paradis. C'est ce qui est important. Il ne faut pas qu'on soit, on croit qu'on est sauvé, alors qu'on n'est pas sauvé. Je vais prendre un exemple simple pour que vous compreniez. Depuis, on a des prêchés comme ça. Un groupe vient, on part faire le séminaire chez le frère Ferrand. On vous explique la nouvelle naissance. Quelqu'un dit qu'il vient de naître de nouveau. Pas vrai? Il dit maintenant qu'il vient de naître de nouveau. Pourtant, il disait qu'il était né de nouveau. Donc, en fait, deux nouvelles naissances. Un être groupe vient maintenant, on dit maintenant que c'est le cri immune. Quelqu'un parle là-bas, il naît encore de nouveau. Donc, ça fait troisième nouvelle. Alors, cette personne-ci, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un problème. La nouvelle naissance, c'est une fois. Comme l'enfant est sorti du ventre là, il ne peut plus jamais rentrer. Il ne peut plus renaître encore. On est d'accord? Donc, si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau, il faut qu'il naisse encore de nouveau. Si tu dis qu'il faut qu'il naisse de nouveau, ça se peut qu'il n'est pas né de nouveau. Donc, entre temps, tous les efforts que tu en as fait là, c'est la religion. C'est l'ecclésiastisme. Alors, avec tout ce qu'on a dit, vous pouvez savoir si vous êtes né de nouveau. Vous saurez. Ne me dites pas que faire journal avec cette. Est-ce qu'il est fini de nouveau? Vous savez. Vous savez que c'est N-O-N. Vous savez normalement. Vous savez, votre esprit témoigne. Votre esprit, il n'est pas le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit témoigne en toi, il ne peut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. Il doit te dire que tu es enfant de Dieu. Il n'y a pas de verset que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous ne sommes pas nés de nouveau. Si il témoigne à ton esprit, c'est que tu es né de nouveau ou bien tu es son enfant. Amen. Amen. Ok, maintenant, c'est entre vous-même maintenant. D'accord? Je vais revenir sur ça de plus belle. Je vais revenir sur ça de plus belle parce que il faut que les fondations de l'église soient restaurées. Amen. Comment tu veux que Dieu m'a dit, ma soeur a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Il a accepté Jésus. Il a accepté Jésus. Regardez mes frères, je me tue à dire aux gens que le modèle de vie chrétienne, c'est pour ça que vous voyez, les gens, même les pasteurs ont des difficultés pour enseigner ces choses-ci. Après, vous voyez comment les gens vivent la vie chrétienne de lieu en lieu. On change de lieu, on change de système, on change de croyance par-ci. Parce que dès le départ, on est faux. On est faux pourquoi? Parce qu'une fausse personne nous enseigne une fausse chose. On grandit avec la semence de la fausseté. On se comprend? Il faut qu'on laisse de nouveau. Il faut qu'on laisse de nouveau. C'est la base du royaume. Si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut pas entrer dans l'esprit. Dans le corps des gens qui ne vivent pas l'esprit. Alors, qu'est-ce que les pasteurs disent? Mais le nouveau, c'est quoi? Demandez à n'importe quel pentecôtiste. C'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est accepter Jésus-Christ comme son Seigneur, son Sauveur, et puis être baptisé d'eau. Pas vrai? Allez, c'est dans le corps biblique. Et remarquez, tournez-vous dans la Bible, dites-lui que, où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Personne ne te dira. Où est-ce que c'est venu? C'est un grand docteur qui a expliqué comme ça. Des pasteurs. Tout le monde est d'accord avec cela. Mais Dieu, lui, n'est pas d'accord. Il a dit que c'est selon sa volonté. Vous ne pouvez pas réunir les gens comme ça, il dit que quand vous êtes réunis comme ça, il ne peut pas dire que maintenant, laissez les nouveaux. C'est pas possible. Je ne peux pas dire ça. Il vous dit que personne n'a la parole de vérité. Il n'y a pas une seule parole de vérité. Il y a la parole de vérité qui est la parole de Dieu. Quand Dieu ordonne. Et cette personne-là, Dieu dit, va parler. Pendant qu'il parle, Dieu utilise la parole qui va sortir ici pour convertir là-bas. C'est ça la parole de vérité. La parole de vérité ne vient pas en lisant la Bible. La Bible peut expliquer là-dedans. Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14, et vous aussi, après avoir entendu l'évangile de votre salut, la parole de vérité, vous avez cru, vous avez été scellé par le Saint-Esprit. Ils sont les Éphésiens. Et vous voyez, ce qu'il a prêché donc à ces Éphésiens-là, lorsqu'il a rencontré les 12, là, c'est pas ce qu'il leur a dit. Donc, ne vous fâchez pas de moi, frère, c'est parce que je vous aime, que je suis obligé de dire ceci, afin que nous craignions. Donc, souvenez-vous, on peut croire qu'on croit, alors qu'on ne croit pas. D'accord, bien aimé. Je veux dire, on peut croire qu'on croit, alors qu'on ne croit pas, et c'est dangereux. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est pas, je confesse Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. J'accepte Jésus-Christ, il décide de pour abandonner le monde, c'est ça. Vous faites ces récitations-là. C'est bon pour conforter votre esprit que vous n'êtes plus pécheur, c'est bon. Mais c'est pas ça. C'est bon, il dit bien, c'est bon. C'est bon pour vous conforter. Mais ce n'est pas ça, vous n'êtes pas né du nouveau. Ok. Oui, j'ai trois soucis là. Oui. C'est que la première question, vous avez dit à la dame que la dame ne devient pas jamais prophétesse. Prophétesse. Mais quand je lis quelque part dans la parole qui dit, je reprendrai sur vous. Vous avez vu, non? Mon esprit se coûte cher. Vous avez vu, non? Vos fils deviendront prophètes. J'aimerais un peu. Ok. Doucement. Laissons-la parler, d'accord? De première chose, on va te donner le verset là. C'est Actes chapitre 2. Écris à côté de ta question comme ça va t'éclairer. Donc, voilà, très bien que si elle était venue 15 minutes plus tôt, la question n'aurait pas de place, n'est-ce pas? Parce qu'on en a parlé. Mais souffrons encore aussi pour elle, pas vrai? Amen. Voilà. Ça montre que vous nous aimez. Même quand on souffre avec la chaleur comme ça, là, on aime toujours, n'est-ce pas? Acte chapitre 2, d'accord? Verset 17. Dis-moi. Vous savez pourquoi il lui permet aussi de parler, non? Parce qu'il faut qu'on parle aussi, on arrive aussi là-bas. C'est grave. Donc la prochaine fois, c'est toi qui vas lui parler aussi. Il est dit, le prophète Joël, et il arrivera au dernier jour, dit Dieu. Oui. que je repente de mon esprit sur toute chair. Oui. Et vos fils et vos filles prophétiseront. Je te prends d'abord là-bas. Tout à l'heure, la question, en posant la question, qu'est-ce que tu as dit? Que quand on va dans l'esprit, ils vont devenir quoi? Je reprendais sur vous mon esprit. Mm-hmm. Et vos filles et vos fils deviendront prophétiseront. C'est ce qu'on a dit là-bas. Moi, je crois que c'est. Donc, ok. Si tu crois que c'est ça, ça veut dire que si quelqu'un prophétise, il est prophète. Vraiment? Pour moi, à ma connaissance. Ok. Attends, maintenant, je réponds. Essayons de verrer l'assemblée. Si quelqu'un prophétise, ça fait de la personne un prophète? Non. Tout le monde unanimement dit cela. Oui. Puisque quand je comprends, vos filles et vos fils deviendront prophètes. Qu'est-ce que c'est écrit comme ça? Verset 17. Verset 17. Courage, courage, courage. Allons-y doucement. Il y a de l'eau là. Cherchez de l'eau glacée pour ma soeur. Allez, je prends l'eau glacée. Le temps que. Oui. Donc c'était le verset 17, d'accord. Regarde, si tu. Je vais dire ceci. Ça veut dire que prophétiseront seulement et ne deviendront jamais prophètes. Absolument. Absolument. Donc selon l'enseignement. Selon ce que la Bible a dit, dit. En fait, regarde, n'est-ce pas, ma soeur? Lorsqu'on parle des prophéties, c'est différent d'être prophète. On ne devient pas prophète, on est prophète. Oui, je suis d'accord. Alors maintenant, alors qu'ici on a dit que quand l'esprit va venir, que ceux-ci vont prophétiser. Donc ils ont un temps qu'ils commencent. Tu vois la différence? Alors ceux-ci ne sont pas des prophètes, ils ont une habilité que Dieu peut lui donner d'un moment à l'autre pour parler de sa part. Alors que le prophète, lui, depuis l'enfance, il voit. Depuis l'enfance, il vit des événements. D'accord? Mais dans le Nouveau Testament, le prophète est toujours prophète, même sans être de nouveau. Mais pour entrer le corps de Christ, il faut être incorporé de la même manière. Ah, c'est merveilleux seulement cet endroit, cette explication. Donc, quand quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, comme on l'a dit ici, là, ça ne fait pas de lui d'un prophète. Alors maintenant, regarde. Prends maman. Maintenant, merci. Papa. Tu vas voir comment quand tu vas boire, tu seras encore inspiré, vraiment. Papa. Ah, papa aimé. Papa. Oui. Ah, tu vois quand tu bois c'est bon, n'est-ce pas? C'est comme ça quand tu vas boire l'autre aussi, ça va entrer dans le cœur. Ah. Bon, maintenant regarde. On dit que je verserai de mon esprit sur toute chair. Remarque bien. Écoutez bien. C'est, chaque fois que les questions sont posées, il y a toujours une bénéfice derrière, d'accord? Tout à l'heure, on n'a pas parlé dans cet aspect. Ici, on dit que je verserai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que toute chair reçoit l'esprit de Dieu? Non. Toute chair reçoit ça? Non. Dans Jean 14, Jésus a dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous l'esprit du Père que le monde ne connaît pas, qu'il ne peut recevoir. Il a dit clairement que le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le connaît pas. Ouais, là, n'est-ce pas? Donc, c'est pas pour tout le monde. Donc, c'est une catégorie de personnes qui vont recevoir cet esprit. Mais pourtant, si vous lisez la Bible, si on dit que toute chair, vous avez compris que c'est tout le monde qui est censé recevoir. C'est la première chose qu'il faut remarquer. D'accord? Ok. Donc, ça veut dire que c'est pas. Quand il dit toute chair, ça veut pas dire que c'est tout le monde entier qui est censé recevoir. Voilà, c'est ceux qui le connaissent. On avance maintenant sur un autre terrain. On dit que tous ceux qui le connaissent vont recevoir cet esprit. On est d'accord? Maintenant, répondre avec moi par oui ou par non. Tout le monde est prophète. Mais pourtant, il a dit là-bas que tous ceux qui vont venir, ils vont prophétiser. Or, tu vois, tu vois, si tu dis que on a dit qu'ils vont prophétiser, ils sont des prophètes. On dit que tous les enfants de Dieu sont des prophètes. Et c'est vrai. Hein? Non. Bon. Moi, je sais quand même que quelqu'un est prophète. Voilà, si on est prophète, alors ceci devient plutôt. Ceci, c'est un don spirituel qui est donné pour un moment. Regarde, la personne qui est en train de parler devant eux là, c'est un prophète. La personne qui a ouvert la bouche pour parler, Pierre, c'est un prophète. Or, Dieu dit ici clairement qu'il avait mis la part pour ce service-là. D'accord? Donc, les dons sont différents des personnes. Les prophètes sont les dons personnes. Les dons de prophétie sont les dons spirituels. Un prophète n'est pas un don spirituel. Écoutez bien, mes chers amis. Un prophète est un don homme. Comme Ephésiens 4 nous dit. Il dit, étant monté, il a fait des dons hommes. Dons hommes, pas des dons spirituels, dons hommes. Il a fait les uns. Il a fait les uns comme les autres comme. Ce n'est pas un don spirituel, ce sont des dons hommes. C'est-à-dire que les gens que Dieu a décidé dans son conseil va les aider. Vous entendez là, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est différent des dons spirituels. C'est-à-dire que quelqu'un qui était, il cousait les habits. Subitement, Dieu dit que prie pour telle personne, tu peux ça marche. Après, toi, tu supplies que Dieu il dit que s'il te plaît, donc permets-moi que je tue ton corps pour toucher là-bas. D'accord? Pas que tu as ça n'importe comment. Donc les dons spirituels sont momentanés. Les dons hommes sont permanents. D'accord, ma chère? Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 29 et 30, il va dire que tous sont-ils apôtres? Réponds. Réponds à la. C'est pas moi qui pose la question, c'est lui. Tous sont-ils prophètes? Tous parlent-ils en langue? Alors, si je dis tous ne sont pas prophètes, et alors que tu as dit que je vais essayer sur toute chair, vos filles prophétiseront. Ça ne veut pas dire que tout le monde est prophète. D'accord? Ce don spirituel vient. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le vrai prophète lui-même, c'est Dieu. Vous savez ça? Oui, Allah donne de ses dons que les gens parlent de sa part, d'accord, de temps en temps. Autre question. D'abord, c'est compris. Amen. Autre question. Vous avez dit tout à l'heure que quelqu'un ne reçoit pas Jésus dans le cœur. Oui. Mais quand j'entends dans la parole, on dit, je me mets à la porte. Oui. Je frappe. Oui. Celui qui entend ma voix. Oui. Hein, et ouvre, j'entrerai. J'entrerai avec lui. J'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui. C'est écrit dans quel livre, ma chère? Donne le chapitre, le livre. Ouvrons Apocalypse et explorons là-bas, d'accord? Oui, mm-hmm. C'est merveilleux seulement. C'est-à-dire que vous posez la question, vous allez se mettre dans la parole, vous allez voir la chose dit. Vous savez pourquoi cette sœur s'est posée cette question-ci? Et c'est la même chose que vous entendez dans les enseignements, il parle. C'est que l'interprétation qu'on lui a donnée, c'est que les pasteurs qui ont prêché ça ont dit que Jésus est en train de parler maintenant à la porte de ton cœur. C'est ça qu'on leur a dit. Pourtant, c'est pas ce que la Bible dit. N'est-ce pas, ma chère? On dit que Jésus toque à la porte de ton cœur maintenant. Ouvre-lui. Et tu ne connais même pas là où ton cœur se trouve. Tu ne sais même pas comment on ouvre son cœur. C'est ce qui est merveilleux. Tu ne sais ni là où. Si on te dit même que ton cœur, ou tu vas dire que c'est pas où. C'est où. Même toi, tu ne sais pas où ton cœur se trouve. Et ton cœur est endurci. Ton cœur est sale. Tu ne peux pas non plus laver. On a dit tout à l'heure que heureux ceux qui ont le cœur pur. Et c'est Dieu qui va donner ce cœur pur. Comment tu vas ouvrir ton cœur? Remarquez bien, avant qu'on ne trouve cela, Actes chapitre 16, verset 13 à 15, la Bible déclare que l'apôtre Paul prêchait avec Jean là-bas, quelque part à côté de la rivière. Au groupe de femmes qui étaient là-bas, l'une d'elles était là-bas, on l'appelait qui? On dit quoi? Le Seigneur? Je crois que c'était Lydie qui a ouvert, je crois que c'est Lydie qui a ouvert son cœur. Donc Lydie a décidé que crac crac, entre Paul, entre. On dit le Seigneur lui ouvrit le cœur afin qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. C'est ce que la Bible dit? Donc qui ouvre le cœur? Alors, est-ce que dans cette. Lisons d'abord, vérifions d'abord si Jésus en a pas. Lisons dans le contexte même des Apocalypse pour savoir si oui ou non on parle des cœurs, d'accord? Donnons le verset 20. Lisons le verset 20, lis à droite. Voici, je me tiens à la porte. S'il te plaît d'abord. C'est quoi la porte? La porte, c'est quoi? Ton cœur. Vous avez vu, n'est-ce pas? Il y a la théologie à gâter le dehors. Donc le réflexe, c'est que la porte se sort. Ok, maintenant, ok, observez bien. Souvenez-vous de la question pour ne pas perdre le fil. Elle dit que je vous ai entendu tout à l'heure qu'on ne reçoit pas Jésus-Christ. Mais la Bible dit qu'on toque à la porte. Il dit que la porte c'est quoi? Elle dit ce sont. Maintenant, si il lui dit maintenant que la porte c'est Jésus, elle va être scandalisée. Comment Jésus peut toquer sur lui-même? Pas vrai? Oui. Quelqu'un dit Jean chapitre 10. Je suis la porte des brebis. Ok, allons-y maintenant, lisons. Frappe à la porte. Une fois de ton cœur, bon, ça donne bien. Tu peux me dire comme ça. Mais c'est vrai? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Mm-hmm. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, oui, j'entrerai chez lui et je soupirai avec lui et lui avec moi. Ok. C'est qui a lui parler comme ça? C'est Jésus, non? Donc, pourquoi tu dis qu'il parle à qui comme ça? À quelqu'un qui doit ouvrir son cœur pour recevoir Jésus. Et quand on reçoit Jésus, on devient quoi? Enfant. Maintenant, lis le verset qui suit. Celui qui vaincra, je lui. Celui qui vaincra, oui, je lui donnerai de s'asseoir avec moi, oui, sur mon trône. Oui. Mm-hmm. Comme moi aussi, j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon père sur son trône. Maintenant, regarde le verset qui suit, qui conclut là-bas. Il dit que. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux païens. Aux assemblées. Hein? Mm-hmm. Non, non. C'est aux païens qui s'écrit là-bas. Oui, disons, mais moi j'ai lu ce que j'ai. Ok, tu as dit ce que tu as lu. Non, j'ai dit ce que j'ai lu. Voilà, justement. Ok, tu vois quoi? Ensemble. Mais écoute, tout à l'heure, là où il y avait porte, tu as dit que c'était la porte de cœur. Oui, moi j'ai dit c'est Jésus. Non, c'est Jésus a été tapé où? Dans la porte du cœur. Pourquoi tu dis porte du cœur? Alors qu'on a dit porte. Tu sais que c'est par là où. Il passe pour André. Ah, c'est fascinant, je vous dis. C'est fascinant. Ok, maintenant, le dernier verset qui dit. Ça veut dire que c'est par là. Non, ça veut dire que Dieu peut dire facilement qu'il voulait dire qu'elle avait dit que je me tiens à la porte de votre cœur. Il n'a pas dit. Oui, parce que dans ma connaissance, je me dis qu'il ne t'oblige pas. Uh-huh. N'est-ce pas, à ouvrir. Parce que si tu n'ouvres pas. En fait, attends. Toi, Adam, alors que tu me parles là-bas, tu as ouvert ton cœur? Pour moi, oui. Quand est-ce que tu as ouvert? Comment tu as ouvert? Donne-nous le secret pour qu'on puisse ouvrir aussi notre cœur. Bref, naître de nouveau. Comment est-ce qu'on est de nouveau? En acceptant, c'est tout. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous-même, vous avez vu, non? Je vous dis qu'il y a des problèmes. Je ne sais pas dans quelle église Dieu m'a envoyé. Voilà le problème là-bas. Ma soeur, il y a un problème. Ok, regarde, le dernier verset dit que c'est lui, les gens en cause là. Que celui qui a des oreilles écoute c'est que, ce que l'Esprit dit aux assemblées. Souvent, on peut dans la Bible là. L'Esprit dit aux assemblées. Lis ça. Souligne un peu avec le but pour que ça tombe dans tes yeux. Non, souligne, ne t'inquiète pas. Même la personne, même si elle lit plus tard, va te souligner. L'Esprit. Souligne seulement l'Esprit dit aux assemblées. Je souligne maintenant. Ok, maintenant, on va suivre parce qu'on va parler de cela. On dit ici que l'Esprit en est s'adresser à qui? L'Esprit s'adresse à la personne. Non, c'est pour ça qu'il demande que tu soulignes. Tu as dit ton que tu en es de voir, tu en es de dire ce que tu vois. L'Esprit dit là-bas qu'elle s'adresse à qui? C'est ça, non? Est-ce qu'il y a deux façons? Puisque c'est là-bas, c'est dit qu'on a dit clairement, est-ce que l'Esprit s'adresse à qui? C'est quoi dans l'Assemblée? L'Assemblée, c'est quoi? Arrête ça. C'est quoi l'Assemblée? C'est nous. Ok, si tu dis c'est nous, ça veut dire que si tous les païens s'assemblent, que les païens sont de boire à la bière, on a de parler d'eux. Parce qu'ils sont assemblés aussi. Donc ils s'adressent encore aussi à eux. J'ai dit ceci, n'est-ce pas? Supposons que nous tous ici, on était des païens. On est ici en boire de nuit, chacun de boire sa bière. Est-ce que cette parole s'est adressée à eux? Je sais que la parole s'adresse à tout le monde. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Regarde bien, c'est l'assemblée. Même si nous sommes en train de boire, c'est l'assemblée. Non, je suis allé dire ici. Ok, ferme ça. Lis ici, frère. Lis, je suis ici. Lis le même verset, le verset 21. Lis dans les fétiches. Il va lire ici. Suis. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'assemblée, ça veut dire quoi, hein? Non, d'après ce qu'on a dit, l'assemblée, ça veut dire quoi? C'est l'église. On vient encore de poser la question que ça nous posait. Si les païens sont réunis, que les personnes ne boivent la bière, ils sont l'église. Non, ils ne sont pas l'église. Pourquoi? Qu'est-ce qui les différencie de l'église? Parce que je peux dire. Ok, ceux de l'église sont chrétiens, oui ou non? Ok, donc ça veut dire que l'église est constituée des chrétiens. Oui. Pour moi, je dis, c'est parce qu'ils sont dans la maison de Dieu. Ok. Qui sont dans la maison de l'église? Non, l'assemblée. Ok, donc l'assemblée sont dans la maison de Dieu. On va recréer sur ça. Mais à ce temps, disons donc que l'église est dans la maison de Dieu. Hein? Mais l'église est la maison de Dieu. L'église c'est la maison de Dieu. Ouais. Donc si ils sont dans l'église, ça veut dire qu'il est déjà là-dedans. Oui. Ok. Dans ce cas, pourquoi partir encore toquer pour entrer? Moi je parle du cœur. Ok, mais. Ça veut dire pour pouvoir. Parce que Dieu ne descendra jamais. Pour moi, ma connaissance, c'est. Oui. Ok, moi, c'est comme, il faut qu'on fasse ça avec la pratique, n'est-ce pas? Lève-toi un peu voir, une autre soeur aussi se lève. Lève-toi vu ma soeur. Pourquoi? Il faut qu'on compresse là, d'accord? Il faut qu'on assimile avant d'avancer. Ma soeur, lève-toi, viens. Toi, tiens-toi un peu ici. Tu vas jouer le rôle des païens, d'accord? Si on veut jouer le rôle de Satan, il faut que quelqu'un joue le rôle de Satan. Même toi, tu peux jouer le rôle de Satan. Ok, toi aussi, reste à côté d'elle, d'accord? Salut d'abord, ta soeur. Ok. Je vais non, ça va, non, vous saluez, pas arrêtez-vous les mains. Regarde ici. Celle-ci est une païenne. Toi, tu es un chrétien, d'accord? Donc, païen potentiel, chrétien potentiel, c'est seulement pour jouer un rôle. Maintenant, je suis évangéliste, je suis allé prêcher. Vous dites, je suis allé prêcher. Il dit que si tu entends aujourd'hui, ouvre la porte de ton cœur. Parmi vous deux, je m'adresse à qui? Selon ta compréhension. À vous deux. Ok. Toi, ton cœur a fait comment? Ton cœur a fait comment? Quelle est la différence entre ton cœur et son cœur? Quelle est la différence entre ton cœur et son cœur? Je dis que tu joues le rôle de croyante. Déjà, je sais qu'elle est païenne. Non, laisse-la tranquille. Elle est différente. Toi, tu es différente. Ce n'est pas entre vous deux, c'est ici, entre vous et la Bible. Tu es devenu chrétien, non? Comment tu es devenu chrétien? C'est pas la parole. Comment tu as fait? Parce que la parole couchait plus dans la Bible ici. Comment toi, tu as fait pour devenir chrétien? J'ai suivi la parole de Dieu. Oui. Et je l'ai mis en pratique. Et tu l'as mis en pratique. Ça fait que tu sois chrétien. Bon, avançons, mettons seulement ça va un peu. Pourquoi celle-ci, quel est son problème avec la Bible? Il faut qu'elle ouvre aussi son cœur. Il faut qu'on parle de la parole. Et quand on va parler de la parole, comment elle va faire pour devenir chrétien? Si elle accepte. Elle est attentive, elle accepte. Le problème est que c'est accepté. Donc si elle accepte, elle a dit oui. Mais le problème c'est le cœur, non? Oui. Comment elle va faire donc pour que ça entre dans son cœur? Il faut qu'elle ouvre son cœur. Donc finalement, c'est à elle que la Bible semble s'adresser. Parce que si elle ouvre son cœur, elle va être conforme à la Bible. Ça suppose que toi tu as ouvert aussi ton cœur, tu as conforme avec la Bible. Ok, maintenant. La Bible dit ici que si quelqu'un a les oreilles, qu'il entend ce que l'Esprit dit aux assemblées. Entre vous deux, qui forment l'assemblée? C'est-à-dire qu'elle a l'état de parole. elle est à l'état de païen, toi tu es à l'état de chrétien. Si toi tu te réunis quelque part, c'est à l'église. Si elle se réunit quelque part, c'est dans le Ndiangui. Ou bien pour faire les désordres, pour aller à dire le Congo ça. Quand elle se réunit pour faire le Congo ça là, elle est hors. Quand tu te réunis avec les tiens, toi tu es. Donc maintenant, ok, maintenant, va t'asseoir ma séance, tu es éliminé. Donc si tu te réunis avec les autres, ma Bible et votre Bible, pas vrai, dis que c'est à toi qu'on s'adresse. Donc c'est pas elle. Donc ça veut dire que cette personne si pratiquement a le problème, c'est que il y a un problème ici pour le Seigneur que tu résolves, pas elle. Tu vois la différence? Oui. Ok, maintenant, mets ta soeur, ma chère soeur. Est-ce que vous saisissez, n'est-ce pas? Bien. Je dis ceci parce que les évangélistes et les pasteurs ils sont à la radio en disant que Jésus dit que Jésus me tient à la porte. Si tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte de ton cœur, là-bas, deux choses sont fausses. Dieu n'a jamais dit que c'est aux croyants, aux incroyants. Parce que la Bible dit clairement que celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit. C'est aux églises. Donc c'est à ceux qui sont à de Jésus. La deuxième chose, c'est que. On dit qu'elle ouvre la porte, on va dire la porte de son cœur. Et la Bible révèle partout là que ce n'est pas quelqu'un qui doit ouvrir son cœur, c'est Dieu qui va le faire. Donc tu n'as pas la possibilité d'ouvrir ton cœur. Donc on ne parle même pas du cœur ici. D'accord? Donc, ce que l'écriture dit ici, ma chère, c'est ça n'a rien à voir avec la conversion. Alors, si toi et moi on a compris qu'on a convenu, et c'est ce qui est la parole, que celle qui est incroyante, la parole si ne s'adresse pas à elle. C'est pour ça qu'elle a quitté la scène, n'est-ce pas? Et on a vu que ça s'adresse à celle qui est croyante. Alors, Dieu en a reproché quelque chose à celle-ci. Donc il dit que si tu fais toutes ces choses-là, si tu te conformes à cela, je vais encore revenir avec vous pour communier. C'est ce que Jésus-Christ dit. Il ne parle pas de l'intérêt du cœur humain. Il dit que les églises comprennent parce qu'il veut prendre possession de l'église. C'est ce qu'il dit. Dans verset 21, là, il a dit que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Il parle comme ça à l'église. Il ne parle pas au païen. Il dit que c'est aux chrétiens qu'il a dit. Parce que les chrétiens l'ont quitté en haut au verset 17, 14 à 18, il va commencer à dire que la richesse a entré. C'est ça qu'il a mis dehors. Donc, ceux qui veulent vivre avec lui, comme il dit, comme c'est dans son principe, il va entrer là-bas travailler. C'est ce qu'il a dit, d'accord? Donc ce n'est jamais la porte du cœur. Il n'y a pas de porte du cœur. Il n'y a pas la porte du cœur. Et personne ne peut ouvrir son cœur. D'accord? Oui, maman. Oui. J'espère que vous allez comprendre. Amen. Ça se base sur la dîme. Oui. Tu as les dîmes à payer. Qui veut prendre les dîmes ici? Oh, papa Joseph, donnez-le à papa Joseph. Papa Joseph, assure-toi, tu vas prendre les dîmes là maintenant. Oui, moi. Quand j'entends Paul, il parle à la Bible. Oui. Quand je regarde dans Malachie 3, on parle de la dîme. Non, on parle de la dîme là-bas. Bon, ça, on parle de la dîme. Alors, tu vois, là, on parle de la dîme alors. Souvenez-vous de ceci. Il vous a toujours dit que lorsque vous voyez des mots dans la Bible, ce n'est pas comme les dictionnaires. Le livre de la Bible n'est pas comme les livres conventionnels. Si un mot est écrit au pluriel, il y a un pourquoi. Si c'est écrit au singulier, il y a un pourquoi. Remarquez bien comment il a dit. On parle de la dîme là-bas. Je lui dis qu'on ne parle pas de la dîme. Et quoi, peut-être qu'elle va là-bas, elle te sera surprise. Tu as trouvé déjà? Lui, le verset 8 à 10. Chapitre 3, verset 8 à 10. Ok. Il m'a dit 8 à 10. Un homme frustrera-t-il Dieu? Oui. Toutefois, vous me frustrez. Oui. Et vous dites, oui. En quoi te frustrons-nous? Oui. Dans les dîmes. Stop. Tu as vu, je t'ai dit qu'il n'y a pas écrit la dîme là-bas, c'est les dîmes, c'est au pluriel. Mmh. Tu as remarqué? Ok, avançons maintenant. Et dans les offrandes. Oui. Élevées. Oui. Vous êtes chargé. Des malédictions. De malédictions. Oui. Et vous me frustrez toujours. Oui. Vous, à la nation tout entière. Stoppons, souligne la nation tout entière. D'abord, parce que le problème va encore se retrouver là-bas. Sans même parler de dîmes, c'est là-bas qu'on va parler. Donc, vous voyez, le problème de cette dame-ci, c'est qu'il lui faut les enseignements, n'est-ce pas? Donc, tournez-vous vers elle, dites bienvenue. Bienvenue. Mm-hmm. Donc, il te faut les enseignements. On va donner les enseignements sur ça. Tu vas écouter avec la parole, d'accord, ma chère? Mais pour le moment, pose des questions. Oui. Donc, okay, en fait, c'est là où tu voulais monter, non? Ok, ok. Apporter toutes les dîmes. Souligne toutes les dîmes. Mm-hmm. Oui. Et où ça? À la maison du trésor. Souligne en fait ça. Porter toutes les dîmes à la maison du trésor. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Souligne ma maison. Voilà. Ce que j'en ai demandé de souligner, tu n'as jamais réfléchi là-dessus. Tu as seulement regardé au niveau de je donne, j'ai peur de la malédiction, je suis béni. C'est voilà le truc qu'on t'a montré. Et c'est normal. On t'a montré l'aspect. Parce que si on te montre l'aspect, tu vas voir très bien que tu n'as plus donné. Tu n'as pas peur de la malédiction, mais tu es toujours béni. Ok, maintenant pose tes questions et puis on voit. Oui, je veux connaître pourquoi on ne donne pas la dîme. Pourquoi on donne la dîme. Voilà. Non, ou bien pourquoi on donnait. Non. Je veux dire, comme vous avez dit qu'on ne donne pas la dîme, pourquoi vous dites qu'on ne donne pas la dîme? Tu t'as la bonne idée, c'est qui a parlé de dîme ici? C'est toi qui a... Bon, vous avez parlé quelque part là, pour quelqu'un. Vous avez... C'est pas là où j'ai pris. Hein. Ok, quand il parlait, c'est sorti. Hein. Ok. Là, ok. Mm-hmm. Donc, vous payez votre dîme? Oui, moi je paye ma dîme. Fidèlement. Mm. Hein? Ok, je pose la question. Tu as donné la dîme des orphelins? La dîme des orphelins. Voilà, donc elle ne peut pas passer. Non, ne t'inquiète pas. C'est pour cela, il dit c'est pour cela justement que là où tu peux donner, on ne peut pas t'expliquer ça. Parce que si on explique ça, ils vont savoir que ce qu'ils ont déjà fait, c'est faux. Oui. Je te pose encore une deuxième question. Est-ce que tu perds la dîme du chef de l'État? Voilà, c'est normal. Parce qu'on ne t'a pas enseigné. Tu as compris? Est-ce que tu perds maintenant la dîme de Jérusalem? On n'est pas l'autre là. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc vous voyez très bien que tout ce que vous allez à faire, ce n'est pas de discuter qu'on ne paye pas, on paye. Il faut seulement pousser la personne au mur sans que la personne soit calée dans un coin où on ne peut pas sortir. C'est comme ça qu'il faut faire. D'accord. Or, on a mis là-bas toutes les dîmes et les offrandes, n'est-ce pas? Ok, maintenant, analysons ceci. Vous voyez, je ne sais pas si vous, vous pouvez permettre que je parle un peu. Ne regardez pas le temps, d'accord? Ne vous souciez pas parce que nous sommes là pour la parole du Seigneur. D'accord. Parce qu'il faut qu'elle soit éclairée. Maintenant, regarde bien ma chère. Dans la Bible, si tu connais, c'est combien ici? Il y a 5 styles de dîmes. 5. Donc, tu dois les payer entièrement. Donc, de ce fait que tu ne connais pas les autres mondes, que tu ne payes pas, donc c'est toi, tu es sous la malédiction. Le problème est que c'est parce que je ne vois pas ça dans la parole. Tu ne vois pas? Ok, non, je te demande maintenant, désormais, tu vas payer. Oui. Ok, 1 Samuel chapitre 8. Okay. Souvenez-vous de cela. Donc, il faut qu'on lui montre tous les dîmes là, n'est-ce pas? Elle même va voir maintenant si elle va payer ça. Amen. Samuel, elle dit qu'elle va payer. Ma soeur, si elle est fidèle. Voilà. Donc, elle va finir ça. Vous allez voir que... Écoutez, c'est le serment. Elle a dit que si elle montre, elle va payer. Alors, lorsqu'elle va voir qu'elle ne peut pas payer, elle va dire que, hé, qu'est-ce qu'il faut faire? On lui dit, maintenant, tu es libre d'un autre. Amen. Amen. Applaudissons pour la soeur. 1 Samuel, chapitre 8. Ah, c'est une belle soirée, pas vrai? Amen. Donc, si vous êtes là pour le miracle, voici le miracle des dîmes ici, là, maintenant. 1 Samuel, chapitre 8. Tu y es, ma chère? Donc, 1 Samuel, chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 7, hein. D'accord? D'accord? Regarde. Samuel vit avec des plaisirs. C'est lorsque, je vais mettre ça dans le contexte, c'est lorsque les Juifs avaient demandé le roi, en rejetant Dieu, d'accord? Dieu a demandé à Samuel d'installer un roi au-dessus d'eux et de lui donner les ordres que le roi doit suivre par rapport à je regarde bien. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute, arrête ça. L'Éternel dit à Samuel, vous y êtes. L'Éternel dit à Samuel, nous sommes au verset 7 là maintenant. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas. Attends, c'est un peu différent parce que ça c'est Dabi, ça c'est lui c'est bon, d'accord? Donne-lui le fétiche de la canarie, comme que les gens appellent là. Parce qu'on va revenir sur ce thème là aussi là maintenant. Ok, donc nous sommes au verset 7, d'accord ma chère? Verset 7. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Vous y êtes? Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements. Souligne avertissement. Là-bas aussi dans cette vidéo. Tu sais ce qu'on appelle avertissement, non? Voilà. Ok, maintenant il dit, et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. Tu as bien compris? Ok. Maintenant, Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il dit, voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils. Hein? Tu as vu? Il ne veut pas parler mieux de toi, il ne veut pas te compliquer la tâche là-bas. Alors c'est moi qui le dis. Et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers afin qu'ils courent devant son char. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Et il les emploiera à labourer les terres, à récolter les moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Il prendra vos fils pour en faire les parfumeuses, des cuisinières et des boulangers. Il prendra les meilleures parties de vos champs, de vos vignes et de vos vies oliviers et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme. Souligne ça. On dit qui prendra la dîme du produit de vos semences, de vos vignes. Et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servants, vos meilleurs bœufs et vous en, et s'en servira pour les travaux. Il prendra, regardez encore verset 17, il prendra la dîme de votre troupeau et vous-même serez esclaves. Et alors vous créez l'Éternel. Bon, arrêtons là-bas. Donc ici, il y a la dîme du produit, la dîme des troupeaux. Tu as donné ceci. Pourquoi tu désobéis? Parce que désormais, comme tu vois, maintenant tu vas donner. Ah, mais là, tu vois ça, tu vois. Elle dit maintenant qu'elle va bien lire. Donc il faut qu'elle lise ça bien. Mais voilà ce qui est écrit devant toi. Oui, je lis, mais il faudrait que je lis correctement parce que ce n'est pas encore écrit entièrement. Ok, tu as noté quelque part là-bas. Tu as noté sur ta feuille. Ok, maintenant, allons donner dans le livre des nombres là maintenant. C'est terrible, je vous dis. Tu te souviens de la Malachie chapitre 3 quand on a lu, j'étais demandé de souligner la nation tout entière, j'étais demandé de souligner la maison du trésor, la maison de Dieu, n'est-ce pas? J'ai dit nombre chapitre 18, d'accord? Ok, je vais la partie du verset 20. Donc tu peux noter déjà nombre chapitre 18, à partir du verset 20. C'est grave. C'est comme ça que les pasteurs ont mélangé pour prendre l'argent aux gens, voler l'argent des gens. Le jour où cette femme ne va pas comprendre, elle va regretter tout l'argent qu'elle a donné. Mais les seuls actuellement, si elle veut donner, elle donne. Vous comprenez, non? On mange parce que c'est les femmes là, elles dérangent. Elles dérangent. Faut qu'on les bouffe comme ça. Le jour qu'elle sera foirée, elle va venir ici au milieu. Alléluia. Vous savez, c'est le ministère. Quand on, pour, quand on finit sur Laurent, quand c'est bon, on jette le saleté, c'est chez Junior. Amen. Mais nous nous réjouissons parce que nous travaillons pour le Seigneur sans avoir à espérer de quoi que ce soit de quelqu'un, afin que la récompense nous soit donnée là-bas. Donc, à partir du verset 20, disons, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu des deux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël. Souligne, toute dîme en Israël. Au moins ceci. C'est là où on t'a enseigné sur les dîmes, non? C'est là où, sur les dîmes. Avant de toucher, c'est ici qu'on a, c'est ça qu'on a lu. Pour t'enseigner sur les dîmes, avant de toucher Malachie 3, que c'est une bonne façon que tu as de voler Dieu, non? Voilà. Donc lisons exactement ça pour savoir ce qu'il est question. On dit ça, d'abord on s'adresse à qui? Aux enfants de Aaron, n'est-ce pas? Que c'est pas ça, hein? C'est ça, tu es enfant de Aaron. Toi tu es enfant d'Aaron. Ok, c'est bon ça. Donc tu es enfant de Jésus ou bien d'Aaron? Les mêmes personnes. Non, c'est pas les mêmes personnes. Oui. Ce sont les ancêtres. Donc, c'est nos ancêtres. C'est les comment on les appelle? Ils sont parentés. Mais ce sont nos ancêtres. Oui, quelque chose. Ok. Donc, ok. On en suit, hein. Ouais. Comme ce sont nos ancêtres, on voit ce que les ancêtres ont fait. Il faut faire tout cela. Alors, regarde bien. On dit donc que l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays. Verset 20. Ils sont encore là-bas. Et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. D'abord, si on parle ici, on veut typifier avec notre époque, il s'agit des pasteurs. Donc, si on prend, puisqu'on t'a enseigné qu'il faut payer les dîmes, ça nous va entrer les dîmes comme ça aux pasteurs. D'accord? Parce que d'autres personnes doivent leur donner. Il dit, c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Verset 21 dit, je donne comme possession au fils de Lévi. Donc, les Lévites ne doivent pas avoir les positions, mais voici les positions que Dieu leur donne, toutes dîmes en Israël, pour le service qu'ils font, le service de la tente d'assignation. Donc, ça, quand on a lu, on a dit que, comme les pasteurs travaillent à la tente d'assignation, vous êtes censé venir donner à eux, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Bon, alors, maintenant, il dit que c'est les enfants d'Israël. Tu es israélite, maman? Regarde, le verset 20, on l'a fini en disant que c'est moi qui suis ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Tu es israélite? On peut dire. Mais tu, elle a double nationalité. Elle est camerouno-israélienne. Ok, oui. La banque dit souvent que vous êtes israélien spirituel. Donc il faut payer l'agent spirituel aussi. Si on renvoie n'importe quoi dans le spirituel, elle est devant le spirituel. Donc vous ne pouvez pas être israélien spirituel, vous payez l'agent physique. D'accord, mes chers amis. Donc si vous êtes spirituel, soyez spirituel partout. C'est un peu comme le témoin de Jéhovah. Ils disent que Satan est une créature réelle. Mais il dit que le feu de l'enfer, c'est spirituel. Que c'est une métaphore. Comment on peut prendre quelqu'un de rien, on met dans le métaphore? Mais vous voyez que ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Donc le feu est vraiment le feu. Quand il dit Satan sera jeté dans le feu, on dit cette chose qui est réelle sera jetée dans cette chose qui est réel. On ne peut pas mettre le réel dans l'irréel. Ça n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que ce sont les fruits de la doctrine de l'enfer. Ils ont peur de l'enfer. Ok, restons ici. Si on est Israël spirituel, on doit payer spirituellement. N'est-ce pas? Si on est physique, c'est Israël physique ici. Il paye physique parce qu'ils amènent les chèvres. On voit comment ils sont utilisés les chèvres. Il n'y a pas de chèvres spirituelles. Hein? Voilà. Donc, l'Israël de Dieu. Alors, si on comprend qu'on est Israël de Dieu, Israël de Dieu ne paye pas de Dieu parce qu'Israël de Dieu est devenu esprit. Et les esprits ne sont même pas des limites et des ordonnances charnelles. On avance là. Ok, maintenant il dit, les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation. Tu as vu? Donc, dans ce verset-ci, le verset 6 en réalité dit, comme tu as été placé sur le joug d'Israël, ça veut dire clairement que tu ne dois plus aller dans les dénominations là. C'est ce qu'on a dit là-bas. Les enfants d'Israël, parce que normalement il y a deux groupes. Il y a les Lévites qui doivent travailler dans les tentes d'assignation. Et il y a les enfants d'Israël qui sont censés donner leur dîme. On dit ici, regarde le verset 22. Les enfants d'Israël, donc c'est ton rôle que tu joues. Il dit, n'approcheront plus de la tente d'assignation. Donc tu ne peux plus aller comme tu es là-bas, tu ne peux plus aller là-bas. Tu comprends moi? J'espère que vous allez te comprendre. Parce que normalement, les pasteurs là-bas, ils disent que le pasteur qui est prêché, il dit qu'ils sont représentants les Lévites qui travaillent dans le service de Dieu. Et leur lieu est la tente d'assignation. Et on dit ici que les enfants d'Israël sont ceux qui viennent donner les dîmes. Parce qu'il y a les Lévites qui sont sur place. Les enfants d'Israël viennent donner les dîmes à ceux-là. On dit que les enfants d'Israël ne doivent pas aller là-bas. Donc tu ne peux plus aller. Regarde bien. Les enfants. Voilà, ok. Même ça aussi, quand tu vas rentrer, lis bien encore. Hein. Voilà. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils en meurent. Donc chaque jour, comme tu as écouté là maintenant, comme tu ne savais pas, tu parles là maintenant, c'est la mort qui t'attend. On continue. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Donc ton pasteur, quand il prend tes dîmes là-bas, ce sont tes péchés qu'il a déportés sur lui. C'est ça. C'est pas moi qui dis, mais regarde bien. Les Lévites, verset 23, feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc on dit donc que les pasteurs ne doivent pas avoir de maison, de terre. Oui, vous avez dit qu'il y a la dîme du chef d'État. Oui, j'arrive. Okay, tout que tu n'as pas encore compris, tu as dit que tu vas aller pour comprendre. Tu voulais qu'il explique comment. Tout ce temps, vous dites qu'on ne donne pas la dîme. Ça veut dire que même pour le chef d'État, la communauté. Non, attends, d'abord, je ne suis pas encore. Tu as compris qu'on ne donne pas la dîme. Je vais t'expliquer déjà ce que tu dois faire. Tu as dit que si tu vois, tu vas payer. Je t'explique seulement pourquoi tu ne peux pas payer. Pas pourquoi tu ne payes pas. Okay. Si tu disais que pourquoi on ne paye pas, je devais t'expliquer. Tu as dit que je t'explique la dîme. Je t'essaie de t'expliquer la dîme. Pourquoi tu ne peux pas encore payer. Pour que tu ne fasses pas l'erreur de payer seulement un seul qualité. D'accord. Voilà. Verset 24, je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Donc comme tu es Israélien, tu peux donner ta dîme au pasteur, les pasteurs n'ont pas censé avoir des maisons. Ton pasteur a une maison quelque part. Hein? Donc c'est un péché, donc il en est désolé à Dieu en prenant ta dîme. Donc on avance. Hein? Voilà. Donc va demander de vendre à ton pasteur. Sa maison et tout qu'il a. Car il reste dans la tente d'assignation. Il a dit ce qui est vrai. Donc, il faut aller dire à ton pasteur que comme il est venu ici pour te dire qu'il faut que tu apportes tes dîmes, pour que tu ne sois pas chargé de malédiction. Il faut lui dire que pour que tu donnes tes dîmes, il faut qu'il quitte ses possessions. Il quitte ses possessions, ta maison. Oui, il va habiter maintenant dans la tente d'assignation pour faire le travail, pour t'attendre toujours là-bas. Il prie pour toi quand tu peux travailler, tu vas travailler pour les dîmes là, il prie pour toi. C'est son rôle là-bas. Il t'a pas dit ça, hein? Hein, maman? Regarde encore. Lis encore le verset 22. Regarde. Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Tu as vu? C'est quoi une possession? Des avoirs terrestres, n'est-ce pas? Bien. Non, pas. Comment? Des maisons, des terres. Hein? Ça veut dire que s'il faut servir Dieu, où il sert Dieu, dans sa propre maison, là où il dort. Pas dans sa propre maison, là où il fait la tente, le service. C'est là-bas où Dieu l'attend. C'est là-bas qu'il doit dormir. Il reste là. Il doit rester là-bas. Il prend les dîmes là, il reste là. Il n'agit pas les dîmes. Il ne construit pas. Il ne construit pas. Il reste là. Là où il doit les dîmes. Tu crois qu'il y a encore. Ben, elle n'a pas encore compris, n'est-ce pas? C'est pas l'argent. Non, frère, ne touche pas encore. N'avance pas vite. On va monter. Parce qu'il faut qu'on arrive jusqu'au bout. Amen. D'accord. C'est pour ça qu'il parle ici pour qu'elle comprenne. Qui a fait? C'est toi qui as fait ta. Ok, non, on avance. Souviens-toi, je ne prêche pas que tu ne payes pas. Je suis voulant te prêcher que tu payes la vraie dîme. C'est ça qui me prêche. Elle a scellé. Elle a dit que si tu me montres, je paye. Je vais montrer la dîme du chef de l'État. Voilà, les dîmes. Il faudra après que tu lui montres la loi du serment. Nous, on est montré. Donc, remarque bien. Première dîme, on a montré qu'il y a la dîme du chef de l'État. Tu as vu ça, non? C'est là-bas écrit ça. Un chapitre 8. Attends, laissez-la parler. C'est avec ses parents qu'elle sera convaincue. On a dit que quoi? Que c'est la dîme de Pouki. Le roi là, c'est que j'ai un chef de dame. Tu pensais que c'était qui? Attends, d'abord, dis-moi d'abord, tu pensais que c'était qui? Quand tu lis. On a dit que c'est le roi d'Israël. Donc tu dois aller, tu vas lui donner. Le roi d'Israël. Oui. Donc tu dois donner. En fait, je viens d'expliquer la Bible. Dans la Bible, là-bas, il s'agissait du roi d'Israël. D'accord. Tu dois lui donner la dîme. Mm-hmm. Ok, donc tu vas le trouver. Alors maintenant, continuons sur verset 25. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites, tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Donc la prochaine fois tu passes, tu plais ça, ça te concerne, ça te concerne ton pasteur. Tu dis à ton pasteur qu'on a dit que lorsqu'il va prélever ta dîme, il faut qu'il passe un dixième. On dit que... Il va même payer la dîme. À qui? Quoi? Le pasteur, lui, il paye sa dîme à qui? Mais c'est toujours dans la maison de Dieu. Non, il n'a pas dit où, j'ai dit à qui? Il paye à Dieu. Donc, Dieu à qui? Mais bon? On paye où? Chez le pasteur, c'est normal. Non, on paye pour Dieu, on paye pas le pasteur. Non, la question, ce n'est pas pour, c'est à. Tu payes à qui? Quand tu donnes ça, tu donnes entre les mains de qui? Non, on donne entre les mains de la personne qui nous a... Qui nous enseigne. Est-ce que c'est difficile sur le pasteur, non? Oui. Voilà, c'est ça, on a nous expliqué la Bible seulement. Mm-hmm. On dit donc que ça ne concerne, ça ne concerne pas. Mm-hmm. On dit que le pasteur, lorsqu'il va prendre cette dîme là, mm-hmm. il va aussi donner, prélever, si par exemple tu as donné 100 000, mm-hmm. il doit aussi prélever 10 000 pour ça, qu'il va donner sur le sacrificateur. Oui. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. Non, non, non, on n'a pas dit pour faire l'œuvre de Dieu, on n'a pas dit pour conduire. La dîme de pasteur. On a dit que c'est la nourriture, c'est pour manger la nourriture. Manger. Oui, c'est ce qui est écrit dans Malachie que tu as pris aujourd'hui. Il a dit apporter toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture. Non, on n'a pas dit c'est pour l'œuvre de l'Éternel. Pour moi, à ma connaissance, ce n'est pas la nourriture, je vais dire quoi, Chanel là. Ah, moi, c'est pourquoi? Attends, tu penses que beaucoup, c'est quoi? Non, il y a le... La nourriture spirituelle. Non, pas la nourriture spirituelle. Pardon. Bref, je vais dire ceci. La dîme de Dieu. Oui. Quand tu dis apporter à la maison du Dieu, je la dîme. Oui. Il y a de la nourriture dans ma maison. Oui. Ça veut dire qu'il peut avoir quelque chose qui manque dans la maison de Dieu. C'est que Dieu veut dire pour qu'on remplisse les manques qui manquent. Il a dit afin qu'il y ait de la nourriture. Regardez, c'est parce qu'il n'y a pas encore parlé de l'argent. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Il peut. De la nourriture. Oui. Bref, ça peut arriver de la nourriture. Oui. Pour le pasteur lui-même de manger. Oui. Les deux. Ça peut arriver acheter quelque chose dans l'église. Dans quelle église? Dans là où nous nous enseignons. Il y a des problèmes, c'est des pas vrai. Il dit, j'ai demandé que tout est à refaire. Tout est à refaire. Tout est faux. Tout est faux. C'est grave. C'est grave. Et c'est la dîme, là, c'est quoi? Je veux... On a des lits ici. Voilà, on a des lits ici. On a dit que le but de la dîme, c'était pour manger. Il n'y a pas deux fois. Il y a pas... On n'a jamais... Regarde, dans la Bible, n'est-ce pas? On a jamais payé la dîme pour que quelqu'un va construire le tôle avec. La dîme, là, servait pour manger. Seulement ça. Il dit que je leur donne comme possession toutes les dîmes. Regarde, continuons seulement sur ce que Dieu dit. Hein, verset 26. Regarde bien. Verset 26. Tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevez des enfants d'Israël, la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le moût qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes. Sur toutes les dîmes. Que vous recevrez des enfants d'Israël et vous donnerez au sacrificateur. Donc le pasteur qui prend la dîme est censé donner au sacrificateur. C'est ce que la Bible déclare, non? Ok. La question que je t'en ai posée ici avant qu'on avance, c'est que le pasteur, quand il prend ça, il paye sa dîme à qui? Je ne sais pas comment il prend. Non, c'est pas à toi. Prends le verset là. D'accord? Réponds à la question maintenant. Parce que pourquoi le pasteur prend, il faut qu'il ait le sacrificateur. Qui va aussi donner. Voilà, c'est chaud ce soir. C'est chaud. Non, ok, maintenant cette question-ci. Voilà, cette question que tu m'as posée maintenant, que je te pose, c'est que pourquoi tu rentres chez lui. Note le verset 26 et 27. Tu vas poser la question au pasteur. Comment vous prenez les dîmes. À qui est-ce que vous donnez les dîmes? Et qu'est-ce que ce gouvernement? D'accord? Donc, si tu écris ce matin, tu ne vas pas savoir se connaître la question. La question c'est le pasteur. Pasteur, tu prends la dîme à qui? Donc écoute comme ça, tu vas te rappeler la question. Voilà. Maintenant, après il dit ici que. Verset 29 maintenant. Sur tous les dons qui seront faits, verset 29, sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez toutes les offrandes pour l'Éternel, sur tout ce qui y aura des meilleurs. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu le diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévite comme le revenu de l'air et comme le revenu de la vue. Maintenant, verset 31, toi, lis-moi les trois premiers mots. 31. Ah, c'est trop petit là-bas, n'est-ce pas? Quelqu'un lui lit les trois premiers mots, ça dit quoi? Vous là, donc tu as compris, n'est-ce pas? Donc regarde bien maintenant. Il dit, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Donc, tu as entendu, n'est-ce pas? Ok, maintenant. Donc, la dîme était destinée d'abord pour faire quoi? Manger. Pour manger. Maintenant, ton pasteur avait dit, enseigné que la dîme veut dire le dixième, n'est-ce pas? Donc, si tu as 100 000, tu dois donner combien? Maintenant, la question maintenant que tu vas aller encore lui payer, la deuxième question c'est ceci. Où est-ce que c'est écrit que c'est en argent qui te montre, d'accord? Dans la Bible que tu vois là, on ne paye jamais la dîme en argent. On rentre un peu dans Malachi. La sœur a dit qu'il veut voir sa preuve. Donc souvenez-vous, il n'y a pas un seul verset dans la Bible où on dit qu'on paye la dîme en argent. Donc quelqu'un dit que l'argent, demande ton argent, que tu touches le salaire, dîme c'est pour Dieu, tu touches 100 000 dîmes c'est pour Dieu, c'est le menteur, c'est un menteur. Dieu dit seulement montre-moi. Si vous montrez, payez. Mais au dixième, on paye ça pour moi. Bonne question. Bonne question, d'accord. Bonne question. C'est exactement ce que si tu avais posé la question que la dîme c'est quoi, on devait t'expliquer doucement, d'accord, ma chère. Mais on avait t'expliqué donc ce que c'est que cette dîme, d'accord. Donc préparez donc le passage. Je vais voir maintenant si les gens lisent la Bible. Je veux que quelqu'un me sorte le passage où on parle de la dîme de la troisième manière et la dîme de l'orphelin. Je veux que vous donniez ce passage pendant qu'ils ont dit ces choses-ci. Donc maintenant suis bien. Je vais encore citer Malachi chapitre 3 verset 10. Malachi chapitre 3 verset 10. Écoutez très bien. N'essayez pas de vous renseigner chez quelqu'un. Regardez vos anciennes annales. Ok, regarde bien. Malachi chapitre 3. Je veux que tu lises encore pour qu'on saisisse ce qui est là-bas. Faire encore pour faire la nouvelle Bible, c'est l'homme malaxé ici. Lui-même cherche encore là où ça se trouve. Vous allez avoir des problèmes. Tu es déjà la fin. Oh, donc. Il ne veut pas que cela va la jeter coup de ça. Ferme le doigt là-dessus. Voilà. Apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. On va analyser la phrase. Apporter à la maison du trésor. Apporter, c'est un ordre qu'on a été donné. N'est-ce pas? On dit apporter. C'est un ordre. On dit qu'on a apporté où? La maison du trésor. Ok. La maison du trésor de ton pasteur, c'est ce trou où? C'est là où pêche la parole. Ok, donc c'est très bien. La maison de Dieu, c'est où? Là où prêche la parole. Dans la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. C'est ce qu'il t'a dit ou c'est ce que la Bible dit? C'est ce que la Bible dit. Dans la, où est-ce que la Bible a dit que la maison du trésor, c'est là où il y a la maison, là où on prêche la parole de Dieu? Pour moi, ma connaissance, c'est ce que je crois. Et c'est ce qu'on enseigne, que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. C'est ce que là c'est ce qu'elle a dit. Ok. Donc c'est là où on prêche la parole de Dieu, qui est la maison du trésor. Ok. Alors dans le livre de Néhémie. D'accord, donc on va là, on prêche la parole. Néhémie combien? 10. Verset? 8. Ok. Néhémie, on se lit, va somme, tu rentres avec Job, avant Job, tu rentres Job, maintenant tu vas Esther et Néhémie quelque part là-bas. Écoutez très bien le verset. Néhémie chapitre 10, verset 38. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure là. J'ai dit tout à l'heure que si la Bible donne un mot, on ne va pas dans le dictionnaire chercher, n'est-ce pas? Si ça nous dérange, on va toujours dans la Bible, on va le trouver là-bas. Et là-bas, lorsqu'on le trouve dans la Bible donne l'interprétation de ce qu'elle veut dire, n'est-ce pas? De telle façon que Dieu a mis les choses tellement parfaites que personne n'interprète quelque chose par lui-même. Vous devez dire ce que la Bible a dit. Néhémie. Tu y es déjà? Chapitre 10, lis le verset 38, voir. Tu as vu le verset 38? Verset 38. Allons-y. Le sacrificateur. Oui, lis là-bas, lis. À haute voix. Le sacrificateur, fils d'Aaron, oui, sera avec les Lévites quand ils s'élèveront, quand ils lèveront la dîme. Oui. Et les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu. Oui. Dans les chambres de la maison du trésor. Donc, ça veut dire que là on prêche la parole là, qui est la maison de Dieu. Il y a les chambres là-bas. Ah non, c'est ce que la Bible a dit ici. C'est toi qui m'as dit que, d'après ce qu'on t'a enseigné, la maison du trésor, c'est là où on enseigne la parole de Dieu et c'est là où il y a la maison de Dieu. C'est-à-dire que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. On va voir aussi maintenant ce que la Bible appelle par maison de Dieu. Maintenant, on dit que la maison du trésor ici, il y a les chambres là-bas. Tiens, lui, ma chère. Donc, où sont les chambres de votre maison de prédication? Il y a les chambres là-bas. Les studios derrière pour délivrer les gens pour. Non, juste le pupitre et autres, les bancs. Non, et une salle pour la réception. Pour la réception. Oui. On dit que ce sont les chambres. Oui, peut-être. Oui. Elle a dit que elle n'a pas seulement dit qu'on l'a enseigné. Oui. Elle a dit qu'on l'a enseigné et elle croit. Elle croit. Parce que tu crois, tu fais quoi? Parce que quelque chose tu connais être vrai. Nous voulons seulement te montrer l'écriture. Oui, donc ici on dit que la maison du trésor, dans la maison du trésor, c'est divisé en compartiments. Compartiment, il y a les chambres à l'intérieur. Les Lévites seront là, lorsqu'on prenait les dîmes, ils prennent telle chose, ils mettent dans telle chambre. Ils prennent telle chose, ils mettent dans telle chambre. Et toi, tu as dit que la maison du trésor, c'est la maison de Dieu. Et d'abord, tu ne connais pas comment le temple de Jésus a été divisé. Le temple de Jésus, il y avait le lieu, c'est le lieu très saint, l'esplanade, il y avait les chambres, là où il y avait les ornements sacrés, les chambres par rapport aux têtes ou telle chose, les chambres où les Lévites s'occupaient, les chambres des femmes, ainsi de suite. Alors maintenant, c'est de ça qu'on a envie de parler ici. D'accord? Ok, maintenant. Votre église s'appelle comment? Vous voulez que c'est le réveil spirituel. Wonderful Plava. Donc vous voyez, c'est le réveil spirituel. Église, le réveil, et vous voyez le sommet qui est là-bas. Vous voyez, là, on se trouve. Mais ce n'est pas toi qui est le problème, d'accord? Ok. Si l'église, votre église, c'est le réveil spirituel, ton église aussi, c'est quoi, mon père? L'effusion du Saint-Esprit. Wonderful Plava. Il veut se marier là, n'est-ce pas? Il dérange. Non, c'est vrai ce qu'il dit. C'est vraiment comme ça? Oui, c'est vrai. Wonderful. Donc il y a l'effusion par ici, il y a le réveil par ici. Seigneur, aide-nous. L'époque où on vit, c'est une époque vraiment dangereuse. Si ce n'est pas un blasphème ici, l'autre aussi, il comprend. C'est qu'il ne sait pas ce que c'est. L'effusion du Saint-Esprit. L'église, l'effusion du Saint-Esprit. Église, réveil spirituel. Maintenant, observez. Ce pasteur, si de ce côté, s'est dit que la maison du trésor, c'est là où ils enseignent. Donc, c'est chez eux qu'il y a la maison du trésor. Et ici, vous avez aussi la maison du trésor. Hein? Chez vous aussi, dans l'Éphésiens Saint-Esprit. C'est une seule salle comme ça. Ok, mais on prend aussi les dîmes là-bas. Hein? On prend tout. Ah, non. Alors maintenant, il y a un problème. Ceux qui n'ont même pas les chambres, au moins ceux-ci ont un bureau, ils reçoivent les gens. Et ils peuvent vous appeler sa chambre. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Seigneur, c'est grave. Alors, ma chère soeur, regarde, n'est-ce pas? Oui. Ok. Deutéronome chapitre 14, c'est ça? Deutéronome chapitre 14, maintenant. Deutéronome chapitre 14, prononce là. L'autre dit, c'est grave tout simplement. Donc, souvenez-vous, toutes les fois que vous avez donné votre argent, pendant que vous donnez à Dieu, vous donnez au voleur. Toutes les fois. Et je suis prédicateur, non? Vous êtes peut-être 50 ici. Supposons que chacun de vous fait un salaire, un travail que ça vous donne déjà 100 000 francs. Et que la dîme, c'est 10 000. 50 fois 100 000, ça me fait combien? 500 millions, ça veut dire que chaque fin de mois, j'aurai 500 000 si je me prêchais les dîmes. Ouais, n'est-ce pas? Donc maintenant, si j'ai refusé de prendre 500 000, quel est mon avantage? Pourquoi je dois t'enseigner que tu ne dois pas payer les dîmes, alors que normalement, si tu payes, c'est à moi que tu dois payer? Vous comprenez quelque chose qui ne va pas? Ce n'est pas comme on te prêchait que n'allez pas payer la dîme chez votre pasteur, venez payer ici. On vous enseigne la parole pour que vous sachiez ce qu'il en est. Si vous dites, vous touchez 100 000 francs, j'ai 10 000, vous êtes 50, ça me fait 500 000 francs par mois. Donc, je vis sans travailler. J'ai 500 000 francs par mois. Les fonctionnaires n'atteignent pas cela, à moins qu'ils volent. Pas vrai? Ouais. Alors, donc, quel est mon avantage? Il est tenant devant vous de vous dire qu'on doit payer. Alors que normalement, si on paye aussi, c'est à moi. Pourquoi ne pas dire aussi que payer? Parce que je sais que si je dis que vous payez, alors que je sais qu'on ne doit pas payer, je suis un menteur, un hypocrite. Un voleur, c'est le mot même. Alors, verset... 22. Ok, maintenant on va lire Deutéronome chapitre 18. Attends, je t'aide à ouvrir. Deutéronome chapitre 14, oui, il trouve ça rapidement. Chapitre 14 à partir du verset 22. Bon, on peut prendre notre verset 18 à 22, d'accord, mais disons à partir du verset 22. Donc, comme ça tu vas lire. Ok, donc tu y es mon cher, comme ça tu lis là-bas. C'est parce que toi tu as Darby. Lis-nous à ouvrir le verset 22, suis bien. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Tu as entendu? Vous avez dit Deutéronome combien? Chapitre 14, pardon, il ouvre le 18. Attends, Malarcène, c'est pas. Donc, chapitre 14, livre verset 22. Verset 22, ce que je parle, oui. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence. Oui. De ce que rapportera ton champ chaque année. Tu as entendu? C'est pourquoi, remarque bien, il y a chaque année. C'est pourquoi on a dit tout à l'heure qu'apporter tous les dîmes afin qu'il n'y ait pas de la nourriture. Parce qu'il s'agissait des fruits de la terre. Les produits de la terre. D'accord? Tu comprends? Oui, comprends. Mais il n'y a pas de mais. On peut dire que c'est aussi l'argent. Il n'y a pas de ça. Si Dieu voulait dire, parce qu'à ce moment-là, il y avait l'argent. Depuis le temps d'Abraham, il y avait l'argent. Depuis le temps d'Abraham, il y avait l'argent. D'accord? Donc, il y avait l'argent, il y avait les produits. Dieu dit que les dîmes, c'est sur les produits. Le Seigneur savait très bien que maman devait attraper les gens. Parce que si tu tentais de dire que c'est les dîmes, c'est l'argent, on était fini. n'y a pas un seul verset où on demande qu'on paye. Il n'y a personne qui a jamais payé les dîmes en argent. Personne. Continuons là. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Stoppons là-bas. Voilà encore une complication. D'abord, la Bible nous indique que chaque année, il y a la dîme par année, pas par mois. Tu as lu ça, non? Donc, tu payes par mois. Tu payes pour qui? Ok, pour Dieu. Ok, maintenant il dit que par année, tu vas prendre la dîme. Remarque bien, la dîme, si tu donnes à la personne, il dit que tu dois qu'il doit manger. Regarde bien encore. Tu dois manger ta dîme. Oui. Voici les dîmes que tu dois qu'il doit manger. Tu as dit qu'il te montre les différentes dîmes. Je t'ai montré une première dîme. La dîme que tu as payé au chef de l'État. On a vu ça dans 1 Samuel chapitre 8. Deuxième dîme, on a vu que tu dois payer ça à ton pasteur. Maintenant, la troisième dîme ne te concerne pas, ça concerne ton pasteur. C'est lui qui doit payer au sacrificateur. L'autre dîme, c'est maintenant encore sur tes conseils. C'est cette dîme, si c'est toi-même qui dois la manger. Oui. Vous me demandez de payer la dîme au pasteur? Non, je suis pas de demander, je suis en train de t'expliquer les dîmes selon votre explication. Oui, mais c'est comme si je viens de comprendre que la première dîme, c'est le chef de l'État. Oui. La deuxième dîme, c'est. C'est ce que tu dis que tu payes à ton pasteur là. Non, attends. Oui. Je veux savoir oui. ce que vous êtes en train de me. Je suis en train d'expliquer exactement ce qu'on t'a expliqué. Ah, okay. Ce qu'elle voulait savoir, ce que tu voulais faire. Parce que tu as dit qu'il faut que tu expliques. Si tu me dis explique-moi c'est les dîmes et que tu dises le pourquoi les dîmes on n'a pas payé, je vais t'expliquer, je vais t'expliquer, vous comprenez. C'est la question donc qu'il faut poser. Non, je vais d'abord expliquer ce que tu as dit d'abord, d'expliquer maintenant la vraie question, tu poses la question, de toute façon. Parce que dans la Bible, on se retrouve dans cette position-ci. Il y a le peuple d'Israël, il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs. On dit au peuple que prends ta dîme, tu donnes au Lévite. On dit au Lévite que prends ta dîme, donne au sacrificateur. Voilà comment ça se trouve. Et puis on dit à ce peuple qu'il y a une autre dîme que tu dois manger. Il y a une autre dîme que tu as donné au chef de l'État. Il y a une autre dîme que tu as donné aux orphelins et aux veuves. C'est ce qui est dit au peuple. Donc là, tu te places maintenant au niveau du peuple d'Israël. Donc tu es exclu du sacerdoce. Il y a quelqu'un qui doit prier pour toi, qui doit rester au temple. Tu comprends un peu, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on vous a expliqué. Non, c'est comme ça qu'on vous a expliqué en vous cachant. Mais mon but ici, c'était montrer toutes les dîmes. Pour que, comme tu as dit, tu les payes toutes. Si tu ne payes pas un seul dîme, tu es fichu. Donc, là, la dîme de Paul Biya. Donc, commence à regarder les audiences. Et les... Ça va se payer comment? C'est ça, on va répondre à cette question tout à l'heure. Donc, souvenez-vous de la question. Ça va se payer comment? Comment? Ok. Maintenant, ici, verset 22 encore, il dit quoi? Que tu ne vas pas lever la dîme de ton revenu, de produit de ta terre, n'est-ce pas? Et tu la mangeras. Remarque bien. On dit, tu la mangeras. Ce n'est pas n'importe où. Et là, c'est chaque année. Donc, chaque année, désormais, nous sommes le 40e aujourd'hui. Nous sommes le 2 juillet maintenant. De maintenant, 2 juillet à l'autre 2 juillet, sache que l'autre 2 juillet, à partir de l'autre 2 juillet, tu dois payer la dîme de ta dîme que tu dois manger. Parce que de 2 juillet à 2 juillet, ça va faire un an, puisque tu as connaissance de ça maintenant. Parce que je te montre ça, il faut que tu fasses. Donc, à partir de 2 juillet 2015, il faut que tu prennes ta dîme. La dîme que tu es censé manger. Tu dois te manger. Et tu dois manger ça uniquement. Regarde bien encore où. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom. Dis-moi maintenant, où est-ce que Dieu a fait résider son nom, qu'il a choisi? Où ça? À l'église. Tu es chrétien, n'est-ce pas? Chez toi, il est là. Ah ben, je crois qu'il était pas, il était plutôt à l'église. Non, moi je comprends que... Bref, ce n'est même pas ça. Il est partout. Ok, dans ce cas, mange ta dîme partout. Non, c'est pas que je mange la dîme. Non, il veut dire que... Selon qui est écrit, il a dit que le lieu. Il n'a pas dit tout lieu. Oui. Il a dit le. Donc, c'est un endroit spécifique. C'est ce qu'il a envie de dire. Il le lieu, si c'était partout, si c'était partout, comme on avait dit, c'était un non-sens de dire encore que le lieu. D'accord? Voilà. Est-ce que tu pars chez le marabout? Non. Est-ce que Dieu est là-bas? Non. Mais tu as dit que Dieu est partout. Oui. Donc tu vas maintenant dire que partout, sauf chez le marabout. Ok, avançons. Je recommence encore la question. Donc il y a exactement un lieu où Dieu a choisi que en faisant ici, j'ai la graisse là. Oui. Donc, et ce lieu donc là, c'est où? Moi j'ai répondu, c'est dans sa maison. Et sa maison c'est où donc? Ce qu'il veut savoir. À l'église. À l'église. Ok, donc maintenant, ça veut dire que le 2 juillet 2015, tu dois prendre les dîmes de tes produits de ta terre. Tu viens t'asseoir dans votre église. Tu manges ça là-bas bien. D'accord? Là où c'est tout. Là où c'est toute sa maison. Non, on n'a pas dit là où se trouve, regarde bien, les mots sont clairs. On n'a pas dit là où se trouve sa maison, on a dit que là où il a choisi pour faire résider son nom. D'accord? Là où il a choisi. Oui. Il va choisir comment? Non, on n'a pas dit qu'il va choisir, on dit qu'il il a déjà choisi. Voilà, ça veut dire que là où on parle de lui, non? Non, c'est pas ça, parce qu'on parle de lui partout, même dans les radios. Ah, on ne parle pas de Jésus dans la télévision. Va dans la télévision manger. il a dit, on n'a pas dit là, on parle de lui. Souvent, il dit là où il a choisi pour faire résider son nom. Son église, c'est où? C'est là où on prêche la parole. Non, est-ce que l'église, c'est un lieu? Est-ce que l'assemblée, c'est un lieu? L'assemblée, sont les personnes. Donc, tu entres dans moi, tu manges, tu as dit. Tout est faux. Dis à ton voisin, tout est faux. Tout est à reconstruire. Ouais. Donc, vous voyez que le problème ici, c'est le problème de la connaissance de l'église, n'est-ce pas? Donc, c'est la fondation. La fondation, c'est l'église. Si on chamboule la fondation, toutes les autres choses sont fausses là-dessus. Tu vois, elle veut parler, elle ne sait pas comment parler. Parce qu'on a confondu la construction à l'église du Seigneur. D'accord? Donc, je vais toujours. Il y a avant seulement aux pour que tu vois qu'il y a le problème. Là où Dieu a fait résider son nom, là, c'est qu'il, enfin, je prends dans le texte, comme il est temps de le dire ici. C'est qu'il disait, il voulait dire quoi? Là où est-ce que Dieu avait choisi pour faire résider son nom? C'était où? C'était où? C'est où? Moi, je dis que c'est dans ta maison. Et sa maison, donc, c'est où? C'est là où on prêche ta parole. Donc, maintenant, voici les Juifs ici. Les Juifs devaient aller où manger cela? Toi et moi, tu es d'accord avec moi qu'on prêche la parole de Dieu dans l'Église catholique, non? Oui. Donc, tu peux sortir de ta maison, aller là-bas manger ça, oui ou non? Oui. Tu peux aller chez les protestants. Oui. Tu peux aller chez les pentecôtistes. Oui. Chez les témoins de Jéhovah. Oui. Chez les mormons. Oui. Chez les mormons. Là, on parle de Dieu. Oui, on parle de Dieu là-bas. Non, là, on parle de Dieu, je sais que là. Oui, les mormons croient qu'il y a Dieu, le Père, Dieu, le Fils et beaucoup de dieux qui ont créé la terre. Je ne sais pas, bon, bref, moi, je ne vais chez les musulmans, dans la mosquée. Hein? Je ne vais pas me partager là où je fais, mais c'est là où je vais. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit là où il a fait résider son nom. Il n'a pas dit là où tu voudras. Il n'a pas dit là où tu. Il a dit là où il a fait résider. Donc c'est lui qui fait le choix. C'est pas toi qui fais le choix. Mais comment il fera ce choix-là? Il l'a déjà fait. Voilà. Et comment je saurais? Voilà maintenant. Voilà maintenant. Si tu poses la question maintenant, c'est où? Je vais te donner. Je suis là pour te dire la vérité. Donc c'est la question qu'il veut poser. Si tu es philosophe, entre on va se tourner autour du pot. C'est qu'il veut te pousser au bout, sans tu me dis là où il a fait résider son nom. Si tu ne peux même pas dire, je t'ai dit là où il a fait résider, il avait fait résider son nom, et maintenant là où il a fait résider son nom. Mm-hmm. Donc pose la question avant qu'il réponde. Hein? Tu connais là où il a fait résider son nom? Ouais. Souviens-toi, cette dîme-ci, c'est que si tu montres là où il a fait résider son nom, tu es censé aller là-bas manger. D'accord? Parce que une dîme que tu es censé manger là-bas. Parce que ici, tu n'oublies pas ce qu'on avait dit. Il a dit que chaque année, tu vas prendre ta dîme, la dîme de tes produits, de tes produits que tu vas manger devant l'Éternel, là où il a fait quoi, résider son nom. Le verset n'est pas fini, n'est-ce pas? Le philosophe finit parce qu'en réalité, ça va nous rendre la place claire. Allons-y. Lui, il choisira pour y faire résider son nom. Oui. La dîme de ton blé. Stop. Tu as entendu la dîme de ton blé. Continuons. De ton mou. Oui. Et de ton huile. Oui. Et les premiers de ton gros et de menu de tes. Tu as entendu? Donc, tous les huiles que tu achètes là-bas, chaque année, tu vas prendre la dîme de l'année. D'accord? Mm-hmm. Donc, tu calcules, chaque mois, tu consommes combien de litres de maillot? Si ça, c'est 12, tu prends le dixième. Faut faire l'erreur que ça ne dépasse pas le dixième, que ça ne soit pas moins le dixième. Mm-hmm. Donc, tu divises ça par 10, ça fait 1,2 litres. D'accord? Donc, il y a un comme ça, 12. Un an, c'est 12 mois. Ça fait 12 litres. Quand d'abord, tu divises ça par 10, ça fait 1,2. Tu prends 1,2 quantité de litres. Ça, c'est pour l'huile. Le nombre de manioc que tu manges. D'accord. Si le maïs que tu sèmes, tu finis calculer le dixième, tu peses une dixième. Tu gardes tout ça. À la fin de l'année, un an après. Voilà, maintenant, il dit maintenant que tu vas aller là où il a fait résider son nom. Donc si c'est le maïs, tu portes, comme tu as dit, c'est le lieu, c'était dans l'angle. Tu t'assois avec la bulle là-bas. Tu manges ça devant ton. Avance ici. Vous riez. C'est pour que notre sait comprendre, n'est-ce pas? Donc quand on explique ces choses, vous allez comprendre pourquoi le pasteur ne veut pas parler de cela. Parce qu'ils savent que s'ils parlent de cela, vous allez comprendre directement que c'est la fausseté qui s'en est faite. Oui, continuons le verset. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Voilà. Donc afin que tu apprennes toujours à craindre l'Éternel ton Dieu. C'est le but de ça. Si tu ne fais pas ce genre de dîme, si tu ne peux pas savoir comment craindre l'Éternel. Donc cette dîme si est liée à la crainte de l'Éternel. Donc si tu fais ça, c'est pourquoi ils sont obligés de porter ça chaque année. Tu fais ça pour te souvenir que tu es censé se soumettre à Dieu. Donc si tu ne fais pas, tu n'es pas soumis à Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est pas fini. Peut-être que lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, oui. Le chemin serait-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme? Oui. Donc tu vois, non? Donc cette dîme-ci, elle a dit que peut-être le lieu où je vais désigner mon, là où il va faire résider mon nom, ce sera long par rapport à ta maison. Et tu diras que comment il va faire. C'est ici donc que Dieu va dire, tu vas vendre ton produit. Ça montre clairement que le dîme était le produit. Tu vas vendre tes produits, tu vas porter, tu vas gagner l'argent de ça. Tu pars pour que ça ne te pèse pas. Tu arrives là, quand tu arrives à l'endroit là-bas, il n'a pas dit tu manges l'argent là. Tu achètes encore les choses, tu t'assois là-bas, tu manges toi et ta famille. Regardez bien, lisons ça finisse. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour faire résider son nom. Oui. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Stop. Vous voyez, n'est-ce pas, comment la Bible dit la chose? Il dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc normalement la dîme d'abord n'était pas de là. De l'argent. Vous avez entendu là, n'est-ce pas? Tu échangeras ta dîme que tu es censé donner à l'Éternel contre de l'argent. Pourquoi Dieu a mis ceci? C'est pour que les gens le portent, parce qu'on n'a pas la voiture en ce moment-là. Les lieux pour quitter un lieu, par exemple, à Jérusalem, on devait marcher à pied. On lui portait tous les mammites de ceci haut là-bas pour aller là-bas. Il les a facilité la tâche. Voilà, n'est-ce pas? Que tu vends ça, tu as de l'argent. Pour avoir l'argent, c'est facile à transporter. Il dit, tu échangeras ta dîme. Je veux que vous voyez cette définition. La dîme n'est jamais en argent. Mais ici, Dieu a donné l'ouverture que tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, ça n'est pas de l'argent. Parce qu'on ne peut pas changer l'argent contre l'argent. Et tu as ta dîme contre de l'argent. Et tu rassureras. Tu seras cet argent dans ta main. Oui. Et tu iras au lieu que l'Éternel, ton Dieu, aura choisi. Pourquoi Dieu a fait ça aux êtres humains? Il a dit clairement que c'était pour la prendre à son. On le craint. Voilà. Donc, souvenez-nous, cette dîme-ci est liée à la crainte de Dieu. Ok. Et cette dîme-ci, c'est toi-même qui est censé manger. Donc, tu manges, ça montre que tu crains Dieu. Avançons là-bas. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Donc, tout n'importe quoi que tu vas désirer, oui. Des bœufs, des brebis, du vin. Il finit de dire tout ce que tu désireras. Après, il désigne des choses. Donc, ne va pas acheter la Bible, ni des chaussures. Donc, ça doit encore toucher quelque chose qui entre dans la bouche. Oui. Et des liqueurs fortes. Oui. Soulignez liqueurs fortes. On va y revenir. Parce que, soulignez liqueurs fortes. Mm-hmm. Tout ce qui te fera plaisir. Tu as entendu, n'est-ce pas? Tu mangeras devant l'Éternel. Stop. Dieu. Tu as bien entendu. Il a dit que tu mangeras devant l'Éternel. Hein? Donc la dîme est liée à ce qu'on mange. C'est une chose naturelle qu'on doit manger. D'accord? Et tu te réjouiras. Oui. Toi et ta famille. Stop. Donc en réalité, le lieu là, tu ne dois pas aller seul. C'est ta famille et toi. D'accord, ma chère? Donc deux choses. Donc. La dîme. Même si le lieu est éloigné, ne dis pas comment il est fait pour transporter. Déjà ça règle le problème en disant que je porte mon argent pour aller dans la maison de Dieu. Donc c'est la nourriture. Si c'est loin, maintenant aujourd'hui, tu n'as plus besoin de faire cela parce qu'il y a le taxi. Tu peux prendre un taxi course. Tu n'as pas besoin de changer l'argent. Tu poses ça, tout ça, tu pars là-bas, tu déposes la bouillie là-bas, le maïs là-bas, le coquille là-bas, les prunes là-bas, vous mangez. C'est pas toi seul, hein. Toi, tes enfants, ton mari, vous célébrez là-bas. Si l'autre a dit qu'il n'est pas plutôt là, les filles du Saint-Esprit, vous divisez, vous dites que non, Dieu n'a pas présenté ton nom là-bas. Parce que là-bas, c'est le réveil spirituel. Là-bas, c'est le fils du Saint-Esprit. Je sais pas où il a fait. Ok, maintenant tu as compris. Maintenant, c'est déjà les dîmes si tu dois le faire, d'accord? Maintenant, avant cela, il faut que je t'explique parce qu'il faut que je t'explique bien pourquoi je ne fais pas de faute. Donc, maintenant, la pièce manquante là, maintenant, c'est que c'est là où Dieu a fait résider son nom, d'accord? Maintenant, là où Dieu a caché son nom, là aussi dans Jean chapitre 17 aujourd'hui, que c'était où? En Jésus-Christ. Donc, tu vas retrouver Jésus. Tu dois le retrouver. Quand tu vas le retrouver, tu entres chez lui, tu manges là-bas. C'est là où il a fait résider son nom. Je suis en train d'expliquer. La parole qu'on a de lire là maintenant, n'est-ce pas? On est dans l'Ancien Testament. Ils étaient dans le désert. Dieu leur disait comme ça, parce que là-bas, ils avaient les tentes d'assignation où on mettait les tentes comme les militaires mettent les tentes. Il leur avait dit que, si on n'a pas le temps d'entrer là-dedans, il avait dit que, comme vous payez votre dîme maintenant, quand vous allez entrer dans le pays que je vous donne, ce n'est pas comme ça que vous allez le faire, d'accord? Il va régulariser les choses. C'est là qu'il a commencé à dire ces choses aussi. Parce que quand les gens vont entrer dans le pays, il va faire ce qu'on appelle la répartition des territoires. Il y a des gens qui seront proches de Jérusalem, d'autres seront loin de Jérusalem. À cela, donc, il avait donné que, puisque j'ai fait résider mon nom, écoute bien, Dieu avait fait résider son nom à Jérusalem. Amen. Il avait fait résider son nom où? Maintenant, Jérusalem, c'est une ville comme Yaoundé. Si quelqu'un se trouve comme en Gaoundéré, il est obligé chaque année d'aller à Yaoundé pour aller fêter cela. Tu comprends un peu, non? Et c'est uniquement à Yaoundé. C'est ce qu'il dit ici. Tu manges en Gaoundé, ça n'est. Je prends seulement un exemple. Chez les Juifs, c'était à Jérusalem. C'est pour ça que chaque année, tu vois, dans l'autre, les Juifs montaient à Jérusalem pour célébrer la Pâque. D'accord? Est-ce que vous entendez? Oui, ils devaient aller là-bas. C'est là-bas que ça devait se célébrer. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Ok. Donc, ma chère soeur, sous l'ancienne alliance, Dieu avait fait résider son nom dans le temple qui était à Jérusalem. Si tu lis donc un roi et deux rois, ou bien un chronique et deux chroniques, lorsque Salomon a construit le temple, d'accord? Et lorsqu'il inaugure le temple, il a prié. Il a dit que si ton peuple pêche à n'importe quel endroit, après, elle a dit quoi donc? Dieu habiterait dans le temple fait des mains d'homme. Il dit que c'est à cause du fait que ton nom est invoqué sur cette maison. C'est à cause du fait que son nom est invoqué sur cette maison. Donc il n'y avait qu'un seul lieu de prière sur la terre où Dieu a invoqué son nom. C'était le temple de Jérusalem. Tu as compris, ma chère soeur? Donc maintenant, ce temple-là, il n'y a plus. Maintenant, ça, c'était le temple qui préfigurait le corps du Seigneur Jésus-Christ, dont Dieu devait s'incarner à l'intérieur. Parce que là-bas, il y avait l'arche de l'alliance dans ce temple-là. C'est pour ça que le nom de Dieu était invoqué là-dessus. Maintenant, ce Dieu-là s'est fait chair. Il avait dit donc que détruire ce temple, je le rebâtirai en 3 jours. D'accord? Alors, les gens ont dit qu'on a construit ça en 46 ans. Tu vas détruire ça en rebâtir en 3 jours. Il parlait de quoi? Il parlait de sa mort. Voilà, tu vois comment tu comprends maintenant bien la Bible? Donc, il parlait de sa mort et de sa résurrection. Pourtant, il n'a pas dit que tuez-moi. Il a dit que détruire ce temple. Donc le temple de Jérusalem que les Juifs regardaient était une suite de son corps. Donc là où Dieu avait résidé son nom, maintenant il a fait connaître c'est en Jésus-Christ. Donc le nom de Dieu maintenant se trouve en Jésus-Christ. Le nom de Dieu c'est Jésus-Christ. C'est là-bas maintenant où il a fait résider son nom. D'accord? Donc maintenant, là où Dieu a fait résider son nom n'est pas un lieu, c'est une personne. Il faut que tu retrouves la personne. Si tu peux le retrouver, pas te réjouir. Si tu dis qu'il est ensemble, tu ne coutes pas là-bas. Il dit qu'il est ensemble, mais tu ne coutes pas. Donc fais tout et tu chaque année tu repères où il se trouve. Ok, tu vas le voir. Maintenant, il y a un autre dit maintenant que c'est chaque 3 années. Tu vas le mettre dehors. Ça, c'est pour les dîmes et les orphelins. Donc, tu comprends? Pour les veuves. Les veuves. Les veuves. C'est ça. Dîmes des rois. Dîmes des lévites. Le pasteur, ton pasteur. Mm-hmm. Donc c'est normal de lui donner la. C'est parce que je suis en train de t'expliquer ce qu'il veut dire. Non, je veux connaître. Maintenant tu veux connaître. Ok. C'est autre chose. Je viens de l'expliquer ce qu'elle veut connaître. Ce que tu veux connaître. Ce que. Non, je veux que vous m'expliquiez ce que c'est. Combien de. Vous avez dit il y a 5 dîmes. Oui. Bon. Ce qu'on va faire, n'est-ce pas, maman? On va te donner l'enseignement. J'ai enseigné ça d'accord dans les paroles, avec toutes les paroles partout où on parle de dîmes. Mmh. Pour que tu prennes le temps de prendre la connaissance, tu seras seul à seul avec ta parole et ce que tu vas écouter. Tu mets pause, temps, tu lis. Mais pour le moment, je vais t'expliquer pourquoi tu peux pas payer. Parce que c'est ça qu'elle a dit. Elle a dit que si je comprends, si je, parce qu'elle ne connaissait pas qu'il y avait plus de dîmes. Je dis, si je connais, je vais payer. Donc tu dois d'abord payer pour Paul Bia. Parce que tout à l'heure, l'autre question, c'est que comment tu vas payer. D'accord. Maintenant, pour les Lévites, parce qu'on a dit qu'il y avait un sacrificateur qui est plus grand que les Lévites. Et les villes, le peuple. Toi, tu te trouves au milieu du peuple. D'accord. Parce que tu ne fais pas ta nation est bénie. Terre est maudite. Donc, toi, tu vas payer au pasteur. Le pasteur doit payer au sacrificateur. Donc, l'autre dîme, c'est le dîme, la dîme que les villes payent au sacrificateur. D'accord. Maintenant, la quatrième dîme, c'est ce qu'on a vu là. Troisième dîme. Je recommence encore. Dîme, chef de l'État. Deuxième dîme. Que toi, tu dois payer à ton pasteur. Tous les Lévites. Ah, maintenant. Troisième dîme, non, les Lévites, les pasteurs doivent payer au sacrificateur. Tu mets pas une pointe de relation sur les sacrificateurs. Donc, il faut que ton pasteur te dise là où il paye ça dîme. C'est que tu as enlevé la malédiction sur la nation, tu as jeté sur lui. Mm-hmm. Quatrième style de dîme, maintenant, on a vu que c'est ce que tu dois bien manger. Toi et ta famille. Et tu dis que tu procèdes en Jésus. Il faut le repérer. Sinon, si tu cours là-bas. Voilà. Cinquième style de dîme, c'est la dernière dont on va parler. C'est la dîme qu'on doit mettre dehors chaque 3 ans. C'est chaque 3 ans. Fais attention que chaque 3 ans, tu n'oublies pas. Donc, sans doute que si tu es dans la maison en barrière ou bien n'importe où, tu es situé n'importe où. La dîme, là, tu n'appelles pas quelqu'un. On a dit, tu mets seulement dehors. D'accord? Donne-moi le passage. Il faut qu'elle lise là. Le passage, c'est où? C'est la suite, tout simplement. C'est merveilleux seulement. D'accord? C'est merveilleux. C'est la suite de ce même verset, de ce même chapitre. De ce même chapitre-là. Donc, continuons la lecture. Je suis bien. Au bout de 3 ans. Stop. Donc vous voyez très bien, c'est Dieu qui en est défini. Il a dit que premièrement, l'autre là c'est chaque année. C'est que tu vas manger devant l'Éternel, là où il a fait résider son nom. Après maintenant, il dit qu'au bout de 3 ans. Donc ceci c'est chaque 3 ans. D'accord? Avançons. Tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Stop. Tu as vu non? Donc par la 3e année, tu fais tout pour calculer tout ce qu'il y a dans la 3e année. Tu vas sortir. Il dit. Et tu la déposeras dans tes portes. Ouvre la Bible, n'est-ce pas? Donc tu sors ça. Tu cales la porte, tu finis, tu as ta barrière, ta porte là-bas, tu la déposes là-bas. Après, qu'est-ce qu'il dit? Alors viendront le Lévite, oui. Qui n'a ni pas ni héritage avec toi. Donc tu vois non? Donc ça dit que ça, les pasteurs qui vont passer là-bas manger ça. Les pasteurs. Ils sont, parce qu'ils marchent normalement, ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de lieu. Oui. C'est ce qu'on a dit là-bas. Oui, j'ai oui. Ok. Uh-huh. Alors, l'étranger. Oui. L'orphelin et la veuve. Tu as entendu, n'est-ce pas? Mm-hmm. Donc c'est le pasteur qui tombe sur ça. Il prend. Si c'est l'étranger qui tombe sur ça. Si c'est l'orphelin, si c'est la veuve, voilà, tu as compris ma chère. Donc voilà tes dîmes. Maintenant, il faut les payer, fais tout et tout pour être fidèle à tes dîmes. D'accord ma chère? Oui. Voilà. Donc normalement, tu as 4 dîmes à payer, ton pasteur a un à payer. On est d'accord? Donc maintenant, comment payer la dîme au chef de l'État? C'est simple. Normalement, tu as payé la dîme au chef de l'État combien? Chaque mois ou quand? Chaque jour, tu perçois. Ok, donc ça veut dire que si un de ces jours, un voisin vient te donner un régime de bananes, tu comptes le nombre de bananes qui est là sur. Tu coupes 10 doigts, tu gardes. Ce qu'on va faire, c'est que si tu veux te donner le numéro de téléphone d'un ami, et si tu vas à la présidence, tu vas demander l'audience, tu vas te donner, ou bien tu vas te donner un carnet de l'audience, comment remplir l'audience. Tu vas à l'audience, mais ne ris pas comme ma soeur. Tu peux faire l'audience au chef de l'État, tu dis que tu fais l'audience, parce que là-bas souvent on dit que motif. Tu dis qu'on demande à la personne, tu dis que chef de l'État, tu dis motif, réglementation de ses dîmes. D'accord? pour les quatre. Non, peut-être, ce sont ses droits, c'est à son avantage. Quand tu viens de nos pasteurs, quand tu dis au pasteur que, dis au pasteur qu'il veut le voir, le pasteur dit que non, dit que je suis repéré, c'est pour payer le dîme. Il change d'idée là, là, là. Hein? Donc, si chacun donne ses dîmes, 10 000, 10 000, 10 000, il y a le Cameroun, c'est combien de millions de personnes? 22 millions. Donc, le chef d'État, si le chef d'État comprend qu'il y a une dîme qu'on doit lui payer, et que chaque Camerounais paye 10 000. 10 000 fois 22 millions, ça fait combien, mes frères? C'est que les ministres vont courir pour aller à la prison pour attendre la dîme là, maintenant que désormais, nous-mêmes, on va avoir notre dîme ici dehors. Ok. Donc, arrange-toi à payer partout le dîme du chef d'État, parce que le chef d'État est fâché pour cela. Donc, tu vas à Yaoundé, comme tu as dit, comme c'est toi-même qui as défini que chaque jour que tu perçois quelque chose. Donc, dans chaque jour. Donc, garde le transport doit aller à Yaoundé avec les dépôts pour Yaoundé, pour la présidence. D'accord? D'ailleurs, quand tu vas faire 3 navettes, 5 navettes, la présidence va devoir te connaître. Quand tu viens, on t'ouvre la porte que tu as dit, mais là. D'accord? Ou bien peut-être, le chef d'État peut te donner un express. Que tu ne viens plus même à Yaoundé, tu expédies ça là-bas. D'accord, ma soeur? Donc, dis-lui, paye ta dîme au chef de l'État. Et mange aussi ta dîme en Jésus. Et sors aussi tes dîmes dehors. Pour les pasteurs qui n'ont pas de maison, les orphelins, les veuves et les étrangers. Voilà. Donc j'ai répondu à la sœur pour qu'elle puisse payer sa dîme normalement, pour qu'elle malachie toi avec les malédictions ne la touche pas. Parce qu'on a dit les dîmes. D'accord. On a dit qu'elle amène toutes les dîmes. D'accord. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, par rapport à l'enseignement maintenant propre sur les dîmes, c'est enseigné. J'ai un peu le temps d'enseigner d'entrer là-dessus. Donc on va te donner. Je ne sais pas si quelqu'un ici aurait un support, un CD sur lequel il y a. Tu as encore ça, maman? Tu as encore un CD sur la dîme? Oui. Voilà, donc à ta soeur, quand tu la donnes, tu l'embrasses. Si du coup, si je suis orphelin, la prochaine fois, tu me donnes aussi la dîme. Amen. Amen. Mm-hmm. Mais c'est ça, c'était la deuxième question, parce que tu as posé une première question par rapport à toquer ta porte, toquer le cœur. Tu as posé deuxième question, la dîme. Troisième question. Non, j'ai déjà posé. Mais trois questions. Hein. Oui, c'était par rapport à. Prophète. Mm-hmm. Ok, donc tu as posé trois questions. Donc, tu as parlé de questions sur taper ton cœur, donner sa vie à Jésus-Christ, dîme, et puis les prophètes. Donc, c'est bon, n'est-ce pas? Courage, merci, courage. Donc après tu peux te réveiller spirituellement. Donc pour nous contacter, Junior sur Skype, Junior c'est J-U-N-H-I-O-R-S, suivi du chiffre 3. Sur Yahoo Messenger c'est Junior de la même façon sans le chiffre 3. Et notre adresse email c'est Junior, J-U-N-H-I-O-R-S, @yahoo.fr. Les quatre numéros sont 99 30 32 48, je répète, 99 30 32 48, le 75 63 08 86, je répète, 75 63 08 86. Il y a aussi le 94 01 94 40. Il y a encore le 75 87 41 21. Et enfin le cinquième numéro 33 13 91 00 33 13 91 00. N'oubliez pas de préciser l'indicatif du Cameroun qui est le 237.